le nord-est, ce sont des averses qui arrivent actuellement en région bruxelloise aussi. Donc là, c'est encore un petit peu l'automne. Mais tout cela va laisser la place à un temps plus sec cet après-midi. 12 à 17 degrés. Et puis la semaine s'annonce sèche, elle aussi, avec demain encore assez bien de nuages bas. Mais dès mercredi, du soleil. On est en automne. Mercredi, on ne dépassera plus 10 à 15 degrés. Bon lundi matin sur Viva, il est 9h. Le journal Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et donc le coup de massue pour les employés de la banque ING. 3150 emplois vont être supprimés d'ici à 5 ans, c'est 40% du personnel d'ING. Une nouvelle dure à avaler pour les employés, même s'ils s'y attendaient. C'était assez court en fait, donc ils ont annoncé les grandes lignes sans entrer en détail, donc normalement on devrait se revoir par la suite, mais c'était très, très professionnel je dirais, sans beaucoup d'émotion, et voilà, c'est comme ça, ça c'est le nombre, et donc ils enclenchent clairement la loi Renault. Votre réaction à vous ? On est fâché. C'est la douche froide, des annonces scandaleuses, une direction qui ne joue pas le jeu, qui pendant des mois a travaillé dans l'ombre pour nous annoncer aujourd'hui un plan scandaleux. Franchement, un plan scandaleux. La réaction de deux délégués syndicaux recueillis il y a quelques minutes par Thierry Van Gulik. Cette annonce a été faite ce matin lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Thierry Van Gulik, vous êtes devant le siège d'ING à Bruxelles. Comment cette annonce est-elle ressentie chez vous ce matin ? Thierry Van Gulik qui devrait être avec nous et nous donner quelques précisions donc sur ce vaste plan de restructuration chez ING, un plan présenté il y a quelques heures à peine, nous le retrouverons sans doute un peu plus tard. C'est donc une restructuration de grande ampleur donc pour la banque. ING rompt avec les habitudes du secteur bancaire en Belgique puisqu'il n'y a jamais eu de licenciement collectif dans les banques. Chez nous, 20 000 postes de travail ont bien été supprimés ces 15 dernières années, mais à chaque fois cela s'est fait en douceur avec des départs à la retraite et des prépensions. Dans ce plan, environ 1700 licenciements secs donc et 3150 annoncés et aussi des fermetures d'agences. En tout, ce sont 600 agences ING et Rekordbank qui vont disparaître. C'est la moitié des agences que compte le pays. C'est donc énorme. Nathalie Servet, pourquoi ING supprime autant d'agences ? Eh bien parce qu'il y en a trop. Il y a quelques années, la stratégie était d'installer des agences pratiquement dans tous les villages. Et chez ING, toutes ces agences sont gérées par la maison mère, ce ne sont donc pas des franchisés, un réseau qui représente donc un coût très important, aujourd'hui trop important. Ce n'est plus rentable, surtout que les guichets sont de plus en plus désertés. Vous, comme moi, bien, on paye ses factures via Internet, on peut même contracter un prêt hypothécaire en ligne et on retire de l'argent via les distributeurs automatiques. La fermeture de la moitié des agences ING et Rekordbank marque donc bien la fin de la banque traditionnelle. Les moyens financiers seront dorénavant consacrés à développer une plateforme en ligne performante ainsi qu'un service aux clients de plus en plus personnalisé. C'est en tout cas ce qu'annonce ce matin le patron d'ING Belgique. Merci Nathalie, et les syndicats d'ING promettent déjà de ne pas se laisser faire. Ils annoncent des actions. Au chapitre judiciaire, troisième et dernière semaine au procès de Bernard Westphal. Oui, fin de cette semaine, nous devrions savoir si l'ancien député wallon est reconnu coupable ou non du meurtre de son épouse Véronique Piroton. Après les incidents de procédure, les mensonges de l'amant la semaine dernière, Michel Gretry, quels sont les enjeux de ces derniers jours de procès ? L'enjeu de cette troisième semaine, c'est très simple, c'est d'enfin parvenir à la vérité, à une vérité. Que la justice dise si un crime a été commis, si l'accusé a étouffé son épouse, si la présence de 14 fibres de latex d'oreiller sur le visage de sa femme suffit à le déclarer coupable, si l'absence de traces d'asphyxie sur les narines et dans les alvéoles des poumons suffit à l'acquitter, si le doute est l'élément le plus manifeste, le doute qui subsiste sur les 2 heures dans le huis clos de la chambre 602. Parce que pour le reste, une sorte de sentence mortelle morale a d'ores et déjà été rendue. Depuis l'audition de l'amant, psychothérapeute de profession, depuis ses fanfaronnades, ses mensonges et ses maladroites tentatives de dissimulation, il est évident pour de nombreux observateurs que dans cette descente aux enfers, le poison, ce n'est peut-être pas l'alcool ni les médicaments. Le toxique, c'est l'amant. Mais par-delà le bien et le mal, il s'agit maintenant de dire en droit ce qui est juste. Aux jurés, à présent, d'entendre la synthèse des arguments des uns et des autres et de prononcer leur verdict. Pas question d'appuyer sur le champignon ces prochaines 24 heures. Les radars vous contrôlent aux quatre coins du pays. La police mène un nouveau marathon contre les excès de vitesse. C'est le sixième déjà. Il durera jusque demain, 6 heures du matin. Cette semaine, c'est la semaine du commerce équitable. Le commerce équitable garantit un prix juste pour les producteurs et des conditions de travail décentes aussi. Toute cette semaine, donc, des produits équitables sont remis en avant un peu partout dans le pays, y compris dans des endroits plus insolites comme les prisons. Ce matin, les détenus de la prison de Marchand-Famène ont ainsi pu déjeuner avec des produits des magasins du monde Oxfam. Sébastien Joris s'est assis à la table avec eux. On trouve des confitures, de la pâte à tartiner, du thé, des jus de fruits équitables. Il y a aussi du miel produit à la prison. Gwen et quelques co-détenus ont disposé tout cela dans ce qui est d'habitude la salle des visites. 15 tables sont dressées dans une odeur de café, loin des repas quotidiens. D'habitude, on prend notre déjeuner en cellule, seul, dès 6h30 du matin. Ici, on se retrouve ensemble. On partage très rarement des repas entre détenus. On se retrouve dans notre salle de visite qui est très accueillante, très lumineuse, où moi je visite tous les jours avec mes enfants. Les familles seront conviées lors d'un prochain petit déjeuner. Marie Béral est directeur adjointe de la prison. Elle est responsable des activités telles que celle-ci. L'intérêt premier pour moi, c'est que le détenu reste membre de la société, reste assez citoyen. Donc on avait envie de les sensibiliser aux causes de façon générale des engagements de la société. Et donc voilà, ça c'est les sensibiliser de façon générale à des causes humanitaires. Tous les détenus peuvent s'inscrire aux activités s'ils le souhaitent, à quelques exceptions près. Par exemple, des condamnés pour terrorisme qui ne peuvent pas avoir de contact, des personnes jugées dangereuses ou les détenus qui se sont vus infliger une punition. Et puis du football avec le jour de rassemblement pour les Diables Rouges. Les Diables qui entament en fin d'après-midi leur préparation à Tubize avant leurs deux prochains matchs contre la Bosnie et contre Gibraltar. Un entraînement ouvert au public, on attend 2000 spectateurs à Tubize cet après-midi. En football encore, on rappelle qu'Anderlecht est le grand vainqueur du week-end. Les Bruxellois ont gagné hier au Standard pour la première fois depuis 4 ans. Anderlecht revient à 2 points du leader Zulte Waregem. Enfin, tennis, le début aujourd'hui de l'Etias Trophy de Mons, le tournoi masculin le plus relevé en Belgique. En l'absence de David Goffin, Steve Darcy sera le meilleur joueur belge en lice. RTBF Mobile Info, comment ça roule ce matin, Stéphane Piebeuf? Il y a toujours 210 km de ralentissement cumulé sur nos autoroutes. Il y a des ralentissements sur l'E42 qui relie Liège à Namur. Il y a des files entre Héron et Ingeon en direction de Namur. Ajoutez 15 minutes. Et puis toujours cet accident qui est là depuis tôt ce matin sur le 19 Bruxelles-Mons à hauteur d'Avray. Le passage s'effectue toujours uniquement via la voie de gauche. Des files depuis Lheureux sur 7 km. Et il faut ajouter une vingtaine de minutes pour rejoindre la cité du Doudou. Pour ce qui est des autres ralentissements, eh bien pour rejoindre Bruxelles, un accident s'est produit sur l'E40, Gand-Bruxelles, à hauteur de Ternat. La bande de gauche est toujours encombrée. On relève des files depuis Affligem en direction de la capitale. Et sur ce tronçon, il faut ajouter 30 minutes supplémentaires pour rejoindre la capitale. Sur le 19 en venant d'Anvers, vous ralentissez depuis Zemst, ajoutez 30 minutes. Et pour rejoindre Anvers, toujours 30 minutes supplémentaires, même si l'accident qui s'était produit à Rumst est terminé. Les files devraient normalement se résorber. Sur le 400 qui vient de Namur pour rejoindre Bruxelles, 30 minutes supplémentaires sont nécessaires pour atteindre le carrefour Léonard entre Overijs et Oderghem, et pour cause, un accident s'est produit dans le carrefour Léonard, dans la bretelle qui relie cette 411 qui vient de Namur au ring de Bruxelles, et donc le passage est difficile en direction de Zaventem. Ça vous ralentit. Si vous projetez de venir à Bruxelles depuis Liège, vous êtes peut-être d'ailleurs déjà dans les files entre Everlé et Woluwe-Saint-Etienne. 25 minutes en plus pour rejoindre Bruxelles depuis Liège via le 40. Et puis sur le ring de la capitale, les temps de parcours, 40 minutes sont nécessaires de retard, donc entre Ittre et le carrefour Léonard pour la circulation extérieure, et vous ajoutez une vingtaine de minutes pour la circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jet Air devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle journée sur Vivacité, sur la Une en télé. Le débat de C'est vous qui le dites. Benjamin, vous revenez bien évidemment ce matin sur l'information de la matinée et ses licenciements chez ING. Effectivement, le nouveau drame social, vous allez pouvoir commenter ING et le secteur bancaire. Voici C'est vous qui le dites. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Tous les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 0 septembre 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 0 70 233 466, faut-il imposer la contraception aux femmes qui seront des mères incompétentes, comme le veut un échevin de la jeunesse à Rotterdam? Au nom du bien-être de l'enfant et pour, je cite, éviter des parents visiblement irresponsables, l'échevin de la jeunesse et de l'éducation de Rotterdam propose de rendre la contraception obligatoire à quelques femmes. Il pense aux femmes à problèmes psychiatriques, aux femmes mentalement déficientes, aux femmes sans abri ou encore aux femmes dans la prostitution. La proposition prévoit qu'un juge soit en charge de la décision. Les femmes se verraient imposer un stérilet ou un implant dans le bras qui les protégerait de la grossesse pendant 3 ans. Certains voient dans cette proposition un retour aux heures sombres et à la stérilisation des personnes handicapées. Le débat, malgré tout, répondrait à une tentation actuelle qu'est la volonté de tout maîtriser. C'est la question pour vous ce matin. Faut-il imposer la contraception aux femmes qui seront des mères incompétentes, comme veut le faire l'échevin de la jeunesse à Rotterdam? L'annonce du drame ING Belgique, 3150 emplois supprimés. Vous êtes triste pour le secteur bancaire et pour ING dans la foulée? Le verdict du Conseil d'entreprise extraordinaire d'ING ce matin est donc tombé. 3150 équivalents temps plein supprimés, c'est 40% du personnel. Il y aura maximum 1700 licenciements, mais donc des licenciements quand même. 600 agences devraient disparaître, qu'elles soient ING ou Record Bank. C'est la moitié des agences qui disparaît. C'est le nouveau drame dans le secteur bancaire, ce secteur bancaire belge qui est en train d'encaisser. BNP Paribas Fortis, par exemple, va fermer 40 agences d'ici 2017 et est dans son plan Vision 2020. C'est la réduction du personnel. Belfius également a perdu 37% de ses effectifs en 10 ans. Le mal des banques en 3 points. Plus de contrôle depuis la crise de 2008. Des taux d'intérêt très bas. Et puis la digitalisation de la banque. On a de moins en moins besoin de l'agence. C'est la question pour vous ce matin. L'annonce du drame ING Belgique. 3150 emplois supprimés. Vous êtes triste pour le secteur bancaire et pour ING? Et puis au 0 70 233 466, une école d'Anderlecht sanctionne une fille de 12 ans parce qu'elle a dit Allah Akbar dans la cour de récré. Pourquoi c'est d'une gravité extrême de dire Allah Akbar, traduction, Dieu est grand. Mercredi dernier, à l'Athénée Joseph Bracops, la petite Farah, 12 ans, a donc dit Allah Akbar dans la cour de récré. L'école a directement écrit aux parents et Sud Presse reproduit le courrier, deux points, ouvrez les guillemets. Vous comprendrez que dans les circonstances actuelles, nous ne pouvons tolérer ce genre de comportement. Pour cette raison, Farah perd 5 points d'éducation. Nous comptons sur vous pour expliquer à votre fille la gravité de ses propos. Fin de citation. La commune justifie le mot au journal de classe et la sanction par le règlement de l'école qui en empêche de tenir des propos philosophiques, religieux et politiques. C'est la question pour vous ce matin. Une école d'Anderlecht sanctionne une fille de 12 ans parce qu'elle a dit Allah Akbar dans la cour de récré. En quoi c'est d'une gravité extrême de dire Allah Akbar, traduction, Dieu est grand? Le standard est ouvert, Marion Jomotin. Et au standard, avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 0 70 233 466 ou par SMS au 30 63 50 cents par message. Ce matin, trois débats dans C'est vous qui le dites. La contraception obligatoire pour les mères incompétentes, 3150 emplois supprimés chez ING et enfin, une fille de 12 ans sanctionnée pour avoir dit Allah Akbar pendant la récréation. Le débat peut à présent commencer. Laurence Pirès, journaliste La Meuse Liège, et Mathieu Ladevez, rédacteur en chef adjoint de La Dernière Heure, sont les premiers à exposer leur avis ce matin. Mathieu et Laurence, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Premier débat sur la table, cette tentation et l'idée à Rotterdam d'un échevin de la jeunesse et de l'éducation qui veut donc imposer la contraception à ces femmes qui, on s'en doute, seront des mères incompétentes. Est-ce que vous êtes favorable à cette idée, Laurence? Absolument pas. Ça me choque totalement comme proposition. Je pense que c'est pas un état de déterminer qu'une femme est apte ou non à la maternité. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est pour le bien-être de l'enfant. Il dit que c'est pour le bien-être de l'enfant. Oui, peut-être, mais alors en quoi alors est-ce qu'on détermine qu'une femme qui est prostituée, pourquoi serait-elle d'office une mauvaise mère? Pourquoi est-ce qu'une femme qui est toxicomane serait d'office une mauvaise mère? Pourquoi est-ce qu'alors on ne va pas plus loin avec une mère qui est sous méthadone qui serait une mauvaise mère? Parce qu'on a déjà vu des accidents avec des enfants qui finissent par prendre les cachets de leurs parents. Pourquoi est-ce qu'une mère qui est pauvre alors ne serait pas une mauvaise mère? Ça va, pour moi, ça va déjà trop loin. Mathieu, votre position, Laurence est choquée. Pour vous, est-ce que c'est une bonne proposition? Je suis aussi choqué que Laurence. D'abord, comment on va définir les critères, d'une part? C'est un juge. C'est un juge qui va estimer si donc c'est aux mains de la justice. Est-ce que ça vous rassure? Non, ça ne me rassure pas du tout, parce que le juge, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête du juge déjà. Et comme le disait Laurence, on ne l'a peut-être pas entendu, pourquoi stériliser les femmes et pas castrer les mauvais pères, quoi? Enfin, c'est assez hallucinant, c'est complètement sexiste. Comme... Moi, ça fait penser, enfin, c'est la solution finale, quoi. Ça me fait penser à Duterte en Philippines qui veut éradiquer la drogue, donc il tue tous les dealers. C'est un peu ce genre-là, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Oui, c'est le président philippin qui a même fait référence au régime d'Hitler pour dire comment il allait éliminer tous ceux qui sont impliqués dans les régimes de drogue. Un mot sur la mesure, même si vous ne la soutenez pas, Laurence, l'idée d'imposer un implant dans le bras de la femme ou un stérilet pour stérilisation pendant 3 ans. C'est long, 3 ans ? Et c'est long, et à la fois pourquoi 3 ans, pourquoi pas 1 an, pourquoi pas 5 ans. Je veux dire, une femme qui est prostituée peut très bien arrêter du jour au lendemain parce qu'elle décide d'avoir une famille ou pas. Et quoi, et alors elle garde l'implant et elle doit attendre encore 2 ans et demi ou 2 ans que cet implant ne fasse plus effet. Pour moi, c'est une idée sortie d'un chapeau. Et très sincèrement, j'espère que ça n'a aucune possibilité d'aboutir parce que sinon, on fait vraiment un grand pas en arrière. Vous aurez constaté, Mathieu, la méthode. Ce n'est pas imposer un traitement de type pilule à une femme, non, c'est lui imposer un stérilet ou un implant dans le bras. Donc il y a quelque chose de très intrusif en plus. Votre commentaire là-dessus? C'est une vision très paternaliste à l'extrême de la société et de la situation de la femme. C'est-à-dire, on te met à l'épreuve pendant 3 ans. Si tu deviens une bonne mère selon les critères que nous, commune de Rotterdam, avons établi, c'est-à-dire de quel roi déjà, tu pourras peut-être un jour refaire des enfants. C'est complètement surréaliste comme situation. On n'a plus de liberté sur rien du tout à ce niveau-là. Certains soutiennent cette mesure, Laurent. Ce n'est pas un cas isolé. Il y a un parti qui a proposé ça, en l'occurrence celui du chrétien démocrate Hugo de Jong, qui est cet échevin. Mais d'autres partis soutiennent, les socialistes hollandais. Oui, certains soutiennent. En tout cas, je pense que... Pour moi, c'est le genre de mesure qui doit faire l'objet d'un référendum alors populaire. Parce que je pense pas, au niveau grand public, que ça peut aboutir. Demandons alors au public. C'est la conversation de ce matin. Bruxelles, Vicky en ligne. Bonjour. Bonjour, Benjamin. Faut-il imposer la contraception aux femmes qui seront des mères incompétentes, comme veut le faire l'échevin de la jeunesse de Rotterdam? Écoutez, moi je ne suis pas du tout d'accord, vu que je suis responsable d'une crèche qui n'est pas loin de qui est à la rue du Progrès et pas loin de l'avenue de la Scott. Écoutez, moi j'ai des enfants de mamans qui sont prostituées et c'est des mamans exemplaires, il n'y a rien à dire. Ah, ça fait partie du public cible, donc cet échevin souhaiterait qu'on impose la stérilisation, notamment aux femmes prostituées, et tout ça au nom du bien-être de l'enfant, Vicky. Écoutez, moi je trouve que c'est nul, hein. c'est vraiment nul, parce que les mamans que j'ai, c'est des mamans exceptionnelles, avec leur comportement avec leurs enfants, c'est unique, hein. Elles sont très attentionnées, elles font très attention à leurs enfants, elles sont vraiment trop près de leurs enfants. Mais donc, je découvre votre profil, Vicky, vous êtes à proximité, non pas de l'avenue, mais bien de la rue d'Arscott, qui est cette rue à prostituées de Bruxelles. C'est là que se trouve votre crèche. Tout à fait. Le bien-être de l'enfant, c'est une notion qu'on peut mettre au-dessus de la maman potentielle ou de la maman future? Oui. Écoutez, moi je pars par le principe que les mamans, quel que soit leur métier, elles restent toujours maternelles, elles ont toujours l'instinct maternel. Alors avec votre connaissance des prostituées de ce public-là, vous dites non, pas bonne mesure. Je termine, Vicky, autour de la table avec les autres profils. Est-ce qu'on peut imposer la contraception, Laurence, aux femmes sans-abri, oui ou non? Non. Non, après je pense que voilà, il faut aussi remettre en contexte, une femme sans abri c'est peut-être une situation temporaire. Pourquoi est-ce qu'on va déterminer que cette femme ne peut pas avoir d'enfant pendant 3 ans? C'est complètement arbitraire. Je fais le reste des catégories. Mathieu, est-ce qu'on peut imposer la stérilisation à une femme mentalement déficiente? Ça dépend. C'est mon avis, le gros problème de cette mesure, c'est que c'est un gros melting pot. On met tout et n'importe quoi dedans et on dit, ben voilà, il n'y a pas de réflexion derrière. On a vraiment l'impression, comme tu disais, Laurence, c'est sorti du chapeau d'un échevin qui s'est dit, j'ai une idée, je vais faire parler de moi. Il n'y a pas de critères justes, quand bien même la mesure peut être choquante. Peut-être qu'on peut y penser pour certaines catégories. Je pense qu'une femme qui est mentalement déficiente ou qui a des problèmes psychiatriques sera peut-être dans un tel psychiatrique qu'elle va jamais vouloir avoir envie d'un enfant. Donc la question se poserait même pas. Donc c'est vraiment un peu n'importe quoi. Oui. À vous de vous prononcer. Alors, faut-il imposer la contraception aux femmes qui seront des mères incompétentes, comme veut le faire l'échevin de la jeunesse à Rotterdam? Dans un instant, le deuxième débat sur la table, avec l'annonce du drame ING Belgique. 3150 emplois supprimés. Est-ce que vous êtes triste? Ensuite, dans cette école d'Anderlecht, une fille de 12 ans dit Allah Akbar et se fait sanctionner. Est-ce que c'est grave de dire Allah Akbar? Et puis la question qui dérange à 10h45. D'après la dernière heure au CHR Namur, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, alors que le délai ailleurs dans les autres hôpitaux varie de 10 à 40 jours. 6 mois au CHR Namur, pourquoi? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. C'est moi, Hip. Je veux des petits prix. Je veux des promotions de folie. Je veux des offres de génie dans tous les rayons. Alors rendez-vous dans votre hypermarché Carrefour. En ce moment, achetez 2 jeans pour seulement... BAM 12 euros. On n'a jamais vu ça. Dépêchez-vous, car cette offre se termine déjà demain. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Les inratables de Lindbacher. On peut rater la cuisson de son rôti, mais pas les actions promo chez Lindbacher. Embellissez avantageusement votre maison avec 40% de réduction sur les matelas de luxe Uno et Prestige. C'est chez Lindbacher. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter des post-it Cap 48? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10 euros au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Une idée importante? Ne la laissez pas s'envoler. Écrivez-la sur une note super sticky post-it. Moi, sur mon poney Nutella, j'écrirais « Bon appétit !»« Je t'aime !» Oh, ou juste « Love !» T'es chou. Mais quoi, c'est vrai? Bravo, ma puce. Pour ma petite fille. Bisous, mouah. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir, car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Mais oui, venez découvrir les nouvelles Baleno et S-Cross. Et puis vous essayerez la nouvelle Vitara. Vous pourrez même repartir avec elle dans votre cartable pour 14 799 euros seulement. Soit 4000 euros davantage. Info suzuki.be. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. On commente l'actualité avec vous ce matin avec Laurence Piret, Sud Presse, Mathieu Ladevez, rédacteur en chef adjoint à La Dernière Heure, les sports. Deuxième débat, c'est donc l'annonce du drame ING Belgique. C'était à 7h ce matin. On s'attendait au pire. Eh bien, voilà ce que le conseil d'entreprise extraordinaire a dit. ING Belgique, et ça concerne aussi les agences de Record Bank, 3150 équivalents temps plein supprimés, c'est 40% du personnel, 1700 licenciements maximum, mais donc il y aura des licenciements, 600 agences en moins, c'est la moitié du réseau qui disparaît, et tout ça à partir de janvier 2017. Avant de nous dire si vous êtes triste, Mathieu, est-ce que c'est un vrai choc, cette annonce? Est-ce que c'est un petit tsunami dans le secteur bancaire? Je pense que c'est un tsunami dans le secteur bancaire quand on voit la proportion le nombre de départs par rapport au nombre de salariés et la moitié des agences qui ferment. Mais c'est le sens de l'histoire. Je pense que ce n'est pas la première banque qui le fait. Je pense que la Belgique est à la traîne sur ce dossier-là. et que les agences bancaires n'ont peut-être pas anticipé suffisamment la révolution technologique et la façon de consommer sa banque qui est complètement différente aujourd'hui. Donc on s'y attendait, moi, je pense. Ah, on verra dans un instant si vous allez encore à l'agence ou si effectivement vous êtes de cette génération ordinateur GSM. Les mots sont précis, Laurence. Est-ce que vous êtes triste pour le secteur bancaire et pour ING? Mais le secteur bancaire, ce sont aussi les réductions d'effectifs chez BNP Paribas Fortis, chez Belfus, qui sont toutes des banques belge ou à connotation très belge. Est-ce que vous êtes triste pour ce secteur bancaire? Alors, je ne suis pas triste pour les banques, je suis triste pour les employés. C'est très différent. Je pense que, ce sont des. Aujourd'hui, 3150 personnes. Il y a des couples chez ING, il y a des familles entières qui vont se retrouver sur le carreau, avec en plus des licenciements secs. Oui, ça me choque très fort, parce que, en plus, dans le contexte actuel, on a eu Caterpillar, il y a eu ArcelorMittal il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu Ford Genk, etc. C'est une longue liste finalement de grosses entreprises et de chiffres complètement démesurés finalement avec des restructurations. J'ai dans les mains la lettre qu'a envoyée ou qu'a lu le CEO d'ING Belgique au personnel ce matin, donc c'est la lettre du grand patron, et il est dit: en unissant nos forces, nous pourrions devenir la banque numéro 1 au Benelux avec 11 millions de clients. Donc derrière cette restructuration, il y a un enjeu, devenir le numéro 1. Est-ce que ça peut donner du baume au cœur des travailleurs? Absolument pas. Mais c'est aussi devenir numéro un, à mon avis, des dividendes qui sont reversés aux actionnaires. Et il est là, le vrai problème, c'est qu'on se rend compte qu'il y a 7 milliards qui sont partis vers le siège d'ING, aux Pays-Bas. Et que finalement, les actionnaires en veulent toujours plus. Mathieu, toujours plus. L'objectif, c'est dans les intentions du CEO, devenir le numéro 1. Il met ça dans le même document que celui qui annonce les 3150 disparitions d'équivalent temps plein. Je pense que dans le chef d'un CEO d'une grande boîte comme ING, le fait de devenir le numéro 1, c'est pas illogique. Donc c'est un discours, s'il ne le faisait pas mention, on pourrait se demander mais où est-ce qu'il est ce gars? On parle de deux types différents. Il y a les employés sacrifiés, c'est clair que c'est facile. Enfin, c'est plus facile, ça rapporte beaucoup plus d'argent. Et après, les objectifs à moyen et long terme. ING est obligée de s'adapter, elle n'a pas le choix. Je suis désolé, elle n'a pas le choix, sinon ING risque de mourir ou disparaître. C'est ça ou la mort? C'est ça ou la mort, c'est ça ou une éventuelle mort. Et là, une nouvelle peut-être crise financière en Europe, en Belgique en tout cas, c'est certain. Donc le seul souci, c'est qu'ils n'ont pas anticipé et que, évidemment, c'est sur l'autel des employés, des salariés qu'on fait les sacrifices. C'est peut-être un peu facile. Si c'est ça, alors le choix, Laurent, c'est ça ou mourir. Alors vous acceptez la disparition de ces 3150 équivalents temps plein? Non, c'est ça ou mourir? Non, je n'accepte pas, et d'autant plus que moi, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, moi j'attends une réponse ferme du gouvernement. Quand on voit qu'ING a bénéficié de cadeaux fiscaux de l'ordre de 2,3 milliards d'euros, moi j'attends que le gouvernement exige cet argent et que cet argent soit reversé, pas forcément aux employés, mais en tout cas dans le cadre de leur reconversion. Ah, les infos tombent en temps réel ce matin. On me signale à l'instant que Charles Michel annonce son retour d'urgence de Luxembourg pour rencontrer les syndicats cet après-midi. C'est la première réponse gouvernementale. On va demander un avis à Herve. Stéphane est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. L'annonce du drame ING Belgique, 3150 emplois supprimés. Est-ce que vous êtes triste pour le secteur bancaire et pour ING? Alors, je vais scinder ma réponse. Triste pour ING et pour le conseil d'administration, absolument pas. Par contre, effectivement, c'est un drame social à nouveau qui se passe. On peut le constater. Par contre, triste pour ING, pas du tout, c'était prévu. Drame social, mais votre avis Stéphane sur les raisons, c'est les mêmes dans toutes les banques. D'abord, depuis 2008, il y a de plus en plus de contrôles et d'exigences pour les banques et on leur demande d'avoir plus de fonds propres. Il y a ces taux qui sont désespérément bas et qui ne remonteront pas. Et puis il y a l'utilisation qu'on fait de la banque aujourd'hui, on ne va plus à l'agence. Donc c'était inévitable. Totalement inévitable. Je pense qu'il y a trois mots dans une banque. Il y a trois mots importants qu'ils respectent et qu'ils essayent de faire. C'est rentabilité, rentabilité et rentabilité. Et pour atteindre cette rentabilité, ils sont obligés de faire des coûts dans certaines charges. Et là, c'est à nouveau le facteur social qui paye. Ah ben c'est pas ce qu'ils nous disent. Eux, ils nous disent survie, modernisation. Et ça passe par le mot digitalisation. Écoutez, ING, je pense, est une des banques qui a les pieds de bilan les plus solides. Je pense que les fonds propres d'ING sont incroyables, donc je pense que ce n'est pas un problème de rien. Je pense qu'ils ont un plan, à mon avis, à quelques années, à mon avis, je ne sais pas, 5-10 ans peut-être. D'ailleurs, le CEO l'a annoncé dans un courrier, je trouve ça très indélicat d'ailleurs, pas assuré, le personnel qui restera Et dommage pour ceux qui partent. Ah ben ça va aller vite, je vous donne le timing. Ces mesures, elles entrent en application au 1er janvier 2017 et le plan s'étale jusqu'en 2021. Donc effectivement, c'est sur les 5 prochaines années. Stéphane, vous êtes à Herve ce matin. Dernière chose autour de la table. Laurence, vous consommez encore l'agence ou plus du tout? Donc on sait que ING, Record Bank, 600 agences, c'est la moitié du réseau. Disparition. Vous consommez encore l'agence ? Je consomme encore l'agence de temps en temps. Effectivement, de plus en plus, comme tout le monde, j'ai recours au home banking parce que ça va, c'est facile, ça va vite, c'est 24 heures sur 24. Mais en dehors de ça, il y a un tas d'opérations qu'on ne peut pas faire seul et donc pour lesquelles on a besoin de personnel compétent. Et je pense que là, clairement, c'est encore une fois le service aux citoyens qui en prend un coup. Mathieu, 600 agences disparaissent, vous paniquez ou vous consommez plus l'agence ? Je consomme quasiment plus. La dernière fois que je suis allé à la banque, c'était justement pour fermer mes comptes chez ING. L'histoire est dite. L'annonce du drame ING Belgique. 3150 emplois supprimés. Est-ce que vous êtes triste pour le secteur bancaire et donc pour ING du même coup? Dans un instant, le troisième débat sur la table. Dans une école d'Anderlecht, une jeune fille de 12 ans sanctionnée parce qu'elle a dit « Allah Akbar ». En quoi c'est d'une gravité extrême? Dieu est grand. Et puis 10h45, la question qui dérange. D'après la dernière heure, au CHR Namur, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo contre 10 jours au Choisy à Tournai, 40 jours à Saint-Louis. Bruxelles et 63 jours au CHR de la Citadelle à Liège. Pourquoi faut attendre si longtemps au CHR Namur? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Ceci est un message pour les professionnels du secteur Horeca. Vous voulez tout connaître des nouvelles tendances en food, fine food, snack, boisson, cuisine, service et découvrir des solutions de management et e-management? Visitez les 2, 3 et 4 octobre à I Love Horeca, le salon professionnel Horeca à Tours et Taxi. I Love Horeca, c'est aussi le lundi 3 au soir. Une nocturne champagne sur invitation de l'un des 150 exposants que vous retrouverez sur notre site. I Love Horeca, c'est les 2, 3 et 4 octobre à Tours et Taxi. Plus d'infos à ilovehoreca.be. Dis Sophie, mais qu'est-ce qui s'est passé? 9,5 sur 10. Faut te reprendre, hein. Vous êtes très exigeant? Alors les voitures d'occasion BMW Premium Selection vont vous ravir, car elles sont sélectionnées avec soin et en parfait état. En plus, jusqu'au 31 octobre, vous recevez 4 ans de garantie. Plus d'infos sur bmw.be. Elle est pas belle la vie? Chez Bricoplanet, c'est samedi 1er et lundi 3 octobre, moins 20% sur un article au choix. Plus d'infos sur planet.be. Bricoplanet, tout pour la maison. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Allô? Oui, Thomas, c'est maman. Tout va bien à la maison? Oui, écoute, j'étudie mais à fond là. C'est curieux. Je viens de voir qu'il y a un de tes potes qui a tagué qu'il étudie à fond dans notre jacuzzi. Oh non. Tu comprendras que je n'ai pas liké. Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. À vous de voir ce que vous en faites. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Profitez maintenant de l'internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Profitez avec l'option smartphone de vous du Samsung Galaxy S7 Edge à 199€. Vincent, pince-moi, je crois que je rêve. Aïe! Non, c'est toujours pas mieux là. Renverse-moi ce seau d'eau sur la tête. Oh, c'est voisin! Alors, prends cette batte là et vas-y, frappe-moi vraiment, vas-y. Ah, non! Ah, bah c'est que je dois peut-être pas rêver alors. Les smartphones de vous, hier dans vos rêves, aujourd'hui dans votre poche. Avec un des forfaits Vous Mobile, profitez de notre gamme de smartphones à prix de rêve, disponible dans votre boutique Vous. Et il est temps de penser à Vous Mobile. Offre soumise à condition. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. On commande l'actualité avec vous en fonction de vos appels. Un débat s'impose tout à l'heure avec Laurence Sud-Presse, avec Mathieu, la dernière heure. Troisième débat donc, une école d'Anderlecht qui a sanctionné une fille de 12 ans parce que dans la cour de récré, elle a dit « Allah Akbar », traduction « Dieu est grand ». En quoi c'est d'une gravité extrême, puisque l'école a mis un mot au journal de classe, demandant aux parents de l'aide. Nous comptons sur vous pour expliquer à votre fille la gravité des propos. Et la jeune Farah a du coup perdu 5 points d'éducation, ça c'est la sanction. En quoi c'est grave, Laurence, de dire « Allah Akbar » dans une conversation dans la cour de récré? Je pense que c'est grave dans la mesure où la petite Farah, pour l'instant 12 ans, si elle l'avait fait à passer ses 18 ans dans la rue, aujourd'hui, elle aurait pu être poursuivie pour apologie du terrorisme ou menace. le contexte terroriste est tel qu'aujourd'hui, cette phrase, qui certes fait partie du quotidien des musulmans, qui à la base n'est pas belliqueuse, n'est pas menaçante, qui signifie juste, en général, un appel à la prière, a pris vraiment un caractère de menace, a pris un caractère vraiment... Donc même dans une cour de récré, Mathieu, un enfant, 12 ans, qui dit, elle dit que c'est dans une conversation privée, qui dit « Allah Akbar, Dieu est grand », on sent une menace. Même dans une cour de récré. Pour moi, c'est la sanction est peut-être exagérée. En tout cas, la dernière phrase du mot du directeur d'école est exagérée. Nous comptons sur vous pour expliquer à votre fille la gravité de ses propos. Mais c'est pas grave. Je pense que la jeune fille, c'est comme si mon enfant ou un enfant de parents catholiques récitait le Saint-Père, la prière dans la cour. C'est laïque, c'est neutre, donc pour moi, dans une cour de récréation, on pouvait pas. On doit suivre le règlement. Ah, c'est ce que dit la commune. Pas rendu compte. Moi, ça me rappelle et ça me renvoie à la vidéo d'une petite fille qui disait à sa maîtresse le chef, c'est Allah, le chef, c'est Allah, c'est pas la maîtresse. Donc, c'est pour éviter ce genre de dérive-là que les règlements imposent ce genre de choses-là dans les cours de récréation. Mais c'est dans une conversation privée, entre quelques copains, quelques copines, Laurence, dans une conversation privée, mais dans la cour. Oui, mais en même temps, l'institutrice ou le surveillant l'a entendu. Donc voilà, moi je pense que c'est quand même intéressant qu'ici, on est rappelé aux parents quand même, on est rappelé les parents à l'ordre, qu'on est demandé à ses parents d'expliquer quand même, pour moi c'est plutôt le double sens de cette phrase à la Wakbar, parce qu'aujourd'hui elle a un double sens, et là ici clairement elle est prise dans son sens très négatif. L'école n'a pas parlé de double sens, a parlé de propos à gravité à un sens. On va demander un avis à Rance Erhardt en ligne, bonjour. Bonjour Benjamin. Une école d'Anderlecht sanctionne une fille de 12 ans parce qu'elle a dit Allah Akbar dans la cour de récré. Pourquoi c'est d'une gravité extrême de dire Allah Akbar, Dieu est grand? Mais moi je trouve ça grave parce que c'est déjà très difficile de ces moments-ci qu'il y a beaucoup de menaces terroristes. Moi j'aurais été plus sévère en sanctionnant la petite fille de 12 ans avec un renvoi définitif. Simplement parce qu'elle dit Dieu est grand. De mener une enquête pour voir s'il n'est pas endoctriné par ses parents, tout simplement, déjà. Erhardt, donc ça veut dire que pour vous, cette phrase, elle est forcément avec une intention. On ne peut pas dire Dieu est grand sans penser à mal. Si on dit ça, c'est qu'on pense mal. Bah écoutez, tous les terroristes qui se sont fait sauter l'ont dit. Bon, mais il y en a d'autres qui l'ont dit sans se faire sauter. Chacun sa religion. Elle perd 5 points d'éducation. C'est une petite sanction, ça, ou pas? C'est pas assez. Je fais tour de table là-dessus. Mathieu, perdre 5 points en éducation, c'est une grosse sanction ou une petite sanction? C'est symbolique. Je ne sais pas sur combien, je ne sais pas si c'est sur 20. Ça me paraît symbolique. C'est ici, la direction fait preuve d'un principe de précaution en disant on ne veut pas, dans le contexte, attiser les haines ou en tout cas les séparations dans la cour de récréation. Vous auriez été jusqu'au renvoi, vous? Jamais. Non, ce qu'il faut, c'est discuter avec les parents en disant, écoutez, on respecte la religion de votre enfant, qu'elle ne crie pas trop souvent à l'Allahu Akbar, qu'elle le soit discrètement, et en tout cas, dans l'école, on ne peut pas, c'est tout. Vous auriez été, Laurence, jusqu'au renvoi? Non, pas du tout. C'est exactement comme si, d'une certaine façon, elle avait fait le signe de croix, s'il n'y avait pas d'attention négative. Justement, aujourd'hui, cette phrase, moi je le dis, elle a un double sens, même si certains n'y voient effectivement que le côté terroriste, agressif, menaçant. Ça fait partie du quotidien des musulmans. Et cette petite fille, sans doute, a répété ce qu'elle entend parfois à la maison quand il y a la prière. Voilà. Du tac au tac, puisque l'école demande maintenant aux parents d'expliquer la gravité des propos. Si les parents n'expliquent pas la gravité des propos, qu'est-ce qui se passera, Mathieu? Si les parents n'expliquent pas la gravité, c'est-à-dire. Ouais, s'ils ne voient pas la gravité, donc ils ne peuvent pas dire à l'enfant c'était mal, qu'est-ce qui se passera? Je pense que les parents ne vont pas dire à leur enfant que c'est mal de dire à la Wakba. Et je pense qu'ils auront raison, c'est pas grave comme propos. Si elle le répète tout le temps et qu'elle hurle en faisant le tour de la cour de récréation, il y a peut-être un problème. Mais je pense que là, c'était au cours d'une discussion. On connaît pas le contexte, peut-être qu'elle le répète pas tous les jours. Les parents doivent lui expliquer, écoute, fais preuve de discrétion, ne le dis pas à l'école parce que le règlement de l'école t'interdit de le dire. C'est comme ça, c'est pas autrement. Comme on peut pas faire son signe de croix, qu'on peut pas venir. C'est tout. Ils doivent juste expliquer. Ils doivent surtout pas dire à leur fille que c'est mal de dire à la Wakbar. Je pense que ça, c'est pas bien du tout. Mathieu Ladevèze, Laurence Piret, bonne journée tous les deux. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Faut-il imposer la contraception aux femmes qui seront des mères incompétentes, comme veut le faire les chemins de la jeunesse de Rotterdam? Ensuite, l'annonce du drame ING Belgique. 3150 emplois supprimés. Est-ce que vous êtes triste pour le secteur bancaire et donc pour ING? Et puis, une école d'Anderlecht sanctionne une fille de 12 ans parce qu'elle a dit Allah Akbar dans la cour de récré. Pourquoi c'est d'une gravité extrême de dire Allah Akbar, Dieu est grand? 070-233-466 par SMS au 3063. Nous sommes à Grand Rochin. Geneviève, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'il faut imposer la contraception aux femmes qui seront des mères incompétentes, oui ou non? Absolument, oui. Oui? Absolument, oui, oui, oui. Pourquoi? Moi, j'ai le cas de... J'ai ma fille qui est prostituée, droguée, prostituée. J'ai trois enfants à charge. Ben, les trois premiers, quand elle a demandé de se faire opérer, on a dit non, parce qu'elle était trop jeune. Attendez, Geneviève, j'essaie de comprendre. Vous auriez souhaité qu'on impose la contraception à votre propre fille? Oui, oui. Mais vous auriez voulu qu'on lui impose au nom de quoi? Sur base de quels critères? Elle a trois enfants à charge. Trois enfants. Moi, j'ai les trois premiers. Elle en a encore eu deux après. Quand on l'a demandé, elle a demandé la contraception de la faire opérer, et on lui a dit non. Et il y a tous les jours des enfants abandonnés avec ces femmes-là. Mais vous avez bien conscience que dans le système hollandais, un juge pourrait dire « Vous, madame, je vous impose 3 ans de stérilet. » C'est pas une intrusion dans le corps de la femme? Oui, oui, oui. Mais vous êtes demandeuse. Pardon? Et à ceux qui vous disent qu'on en revient aux pires heures de l'histoire, quand certains voulaient stériliser tous les handicapés, vous répondez quoi? Non, pas ça. Ça pas, mais votre fille, oui. Alors je retiens ça. Vous êtes à Grand Rochin, on verra si ce débat s'impose tout à l'heure. RTBF Mobile Info maintenant, Stéphane. Conducteur fantôme, attention, si vous circulez sur le 403 Bruges-Tournay, vous risquez de rencontrer un conducteur qui roule à contresens. Il était il y a quelques instants à hauteur de Lichterveld. N'effectuez aucun dépassement et tenez bien votre droite. Autre accident sur, un accident sur le 19 Bruxelles-Mons à hauteur d'Avray. Le passage s'effectue toujours via la bande de gauche, toujours des fils depuis l'Heureux, 7 km et 20 minutes de retard en direction de Mons. Un petit peu plus loin sur ce tronçon entre Mons vers Bruxelles, cette fois c'est entre Familleureux et Arken que vous êtes ralenti par une zone de travaux. Et puis pour rejoindre Bruxelles, ajoutez 20 minutes supplémentaires sur le 411 qui vient de Namur où vous ralentissez entre Overijse et le Carrefour Léonard. 15 minutes en plus sur le 40 qui vient de Liège entre Berthem et Sterrebeek. 20 minutes sur le 40 qui vient de Gand où vous commencez à ralentir à partir d'Alost avant de rejoindre Grand Bigard. 10 minutes supplémentaires sont nécessaires sur le 19 qui vient d'Anvers où les ralentissements commencent depuis Petit. Et puis les temps de parcours sur le Ring pour terminer. 30 minutes en plus en circulation extérieure entre Ittre et le Carrefour Léonard. Ajoutez 10 minutes en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem. You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, à XL, c'est Rachid qui viendra nous dire si une petite fille de 12 ans peut crier Allah Akbar dans la cour de récré. En octobre, au Bon Repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet, un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing? Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Olivier Paris, pharmacien conseil Caudalie, nous parle de fermeté. C'est la préoccupation numéro 1 des femmes. Et y a-t-il une solution numéro 1? Oui, la gamme Resveratrol Lift, des soins anti-âge au resveratrol de vigne breveté par Caudalie et Harvard. Ils raffermissent la structure du visage et augmentent la production naturelle d'acide hyaluronique qui lui repulpe la peau. Ah, j'ai envie de l'essayer. Dans cette gamme, essayez surtout la toute nouvelle crème cachemire. Resveratrol Lift de Caudalie, le premier lifting naturel et efficace. En ce moment, pour l'achat d'un produit Resveratrol Lift, un mois de soins anti-rides nuit offert dans la limite des stocks disponibles en pharmacie et parapharmacie. l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Chute de cheveux, pas de panique. Commencez vite votre cure d'automne avec le sérum traitant pur essentiel anti-chute. Un complexe breveté aux 7 racines qui renforce l'ancrage de vos cheveux. Résultat, action anti-chute 90%. 8400 nouveaux cheveux et une chevelure plus couvrante. En pharmacie, pur essentiel anti-chute, l'efficacité à l'état pur. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, l'annonce du drame ING Belgique, 3150 emplois supprimés. Est-ce que vous êtes triste pour le secteur bancaire et donc pour ING à ce propos? Eh bien, à ce propos, pour Patty de Hamoir, oui, elle est triste, c'est même un drame, me dit-elle, dans le village de Patty à Hamoir. ING est la seule agence bancaire, alors l'autre banque la plus proche est à 8 km. Ça n'arrange pas du tout Patty que l'agence ING ferme ses portes si ça se trouve à Hamoir. Alors, où ira-t-elle retirer du cash, se demande-t-elle? Où ira-t-elle chercher ses extraits de compte? Elle pense aussi à toutes les personnes âgées du village d'Hamoir qui ont déjà du mal à se déplacer jusque-là. Où iront-elles maintenant? Ce n'est pas normal de fermer autant d'agences. C'est vous qui le dites à XL. Rachid, bonjour. Bonjour. Dans la cour de récré de l'Athénée Joseph Bracops, la petite Farah, 12 ans, a dit « Allah Akbar ». Elle a été sanctionnée, mot dans le journal de classe, et demande aux parents d'agir. En quoi c'est d'une gravité extrême de crier « Allah Akbar » ? J'ai l'impression, M. Benjamin, entre parenthèses, on devrait appeler M. Dictionnaire pour traduire à toutes les écoles. Ça veut dire quoi, Allah Akbar, Allah. Mais j'ai l'impression que l'école, elle doit être sanctionnée d'avoir médiatisé cette chose-là. Donnez-nous la traduction exacte, alors, Rachid, si vous l'avez. Allah Akbar, exemple, ça veut dire... On est programmé de la naissance, nous musulmans, de dire Allah Akbar. Par exemple, on voit quelque chose de bien, quelque chose, même mal ou quoi, on dit Allah Akbar. On prononce ce mot-là sans arrière-pensée. Et je suis certain, alors maintenant, demain, on va condamner quelqu'un qui va dire nom de Dieu. Alors, mais il ne faut pas médiatiser ça. On tombe dans les pièges des terroristes et on occupe à appliquer tout ce qui se passe en Amérique. Et pourquoi ? Expliquez-nous pourquoi cette école a eu peur. Dites-nous pourquoi cette école considère que ce mot est d'une gravité extrême, à tel point qu'il y a mot dans le journal de classe et sanction. Pourquoi cette école a pu s'enflammer à ce point-là ? Mais parce qu'ils ont voulu... Ils paniquent parce que j'ai l'impression où ils ont reçu l'ordre, où... Je ne sais pas pourquoi ils paniquent. Ils ont tellement médiatisé, on dirait qu'il va y avoir une bombe qui va exploser là-bas. Ils devraient appeler la petite fille, l'expliquer avec ses parents, qu'on dit à l'Akbar pour soi-même, discrètement, au lieu de dire ça, que le monde entier maintenant, il sait. Je vais raconter une petite histoire, M. Benjamin. J'ai un client qui est parti à New York. Il a vu une belle fille passer devant lui. Il a dit, mon Dieu, quelle bombe. Il est passé 48 heures à l'arrivée, contrôler tout ça, 48 heures. Rachid, alors j'en reviens à l'école. Alors, on ne doit pas tomber dans le piège. Rachid, Décisions politiques qui doivent donner des conseils à l'école, de parler aux enfants. Il y a des mots qu'il ne faut pas le prononcer trop. Alors, est-ce qu'il faut dire à la petite Farah qu'elle ne peut plus le dire, puisque l'école demande aux parents d'agir? Est-ce qu'il faut dire à la petite Farah, tu ne dis plus jamais Allah Akbar? Elle peut le dire pour elle, autour d'elle, mais pas dans la cour, comme ça, crier Allah Akbar, ça sert à rien. Pas dans la cour, alors elle l'a dit, et c'est là qu'il y a polémique, elle l'aurait dit dans une conversation privée avec des amis, mais elle l'a dit, puisque certains l'ont entendu. Rachid, vous êtes à XL, on peut dire ce mot-là, sans que ça ne crée de panique. Ol nous appelle, Michel, bonjour. Bonjour. Parenthèse, vous êtes client ING, vous ou pas? Oui. L'annonce du drame ING Belgique, 3150 emplois supprimés, c'est 40% du personnel. Il y aura maximum 1700 licenciements, 600 agences ING Record Bank qui ferment. Est-ce que vous êtes triste pour le secteur bancaire et pour ING ce matin? Ben, je ne peux pas être triste ou parce que le secteur lui-même ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le drame humain. Donc le concept de dire je suis triste pour la ING, non, parce qu'eux vont faire encore des plus gros bénéfices. Voilà, le drame humain, il avait l'air d'être inévitable de ce qu'on nous dit. Hein. Aujourd'hui, plus personne ne va en agence, c'est ça, il faut absolument digitaliser. Moi, j'ai déjà fait plusieurs envois SMS au niveau de ING en leur disant je préfère quand même aller à l'agence, malgré que j'ai le home bank, parce qu'il n'y a rien à faire. Le contact humain, j'y tiens. Maintenant, je suis pensionné, j'ai des problèmes cardiaques, je ne peux plus trop me déplacer, etc. Quel est l'enjeu? Le patron dit, en unissant nos forces, nous pourrions devenir la banque numéro 1 au Benelux. Mais entre nous, que ce soit le numéro 1, le numéro 2 ou le dernier, n'a aucune importance. D'ailleurs, moi, je vais quitter la banque. Mais vous irez où ? J'irai dans une autre banque. Peu importe, c'est le même problème ailleurs. Ah ben attendez, c'est partout. BNP Paribas Fortis, ils sont dans un plan Vision 2020. Belfus, ils ont perdu 37% des effectifs en 10 ans. Tout le monde supprime du personnel. Mais écoutez, moi je vais dans une banque qui est directement sur Internet dans ce cas-là. Et qui ne supprime rien du tout, qui travaille sur, avec des informaticiens, etc. Mais au moins, on travaille en interne et on ne démolit pas quelque chose qui existe. Je voudrais votre avis, Michel. Ce matin, c'est l'annonce du drame chez ING Belgique. Et dans le fond, on dit qu'on a été très sévère avec les banques depuis 2008. On leur a imposé de telles conditions après la crise que voilà le résultat. Oui, mais et les cadeaux qu'on leur a fait. Ah, c'est la réponse du berger à la bergère dans ce cas. Vous êtes Michel à Holn et sur le point de quitter ING, qui a déjà quelques difficultés ce matin, on le comprend. On va à Herve dans un instant. C'est là que Stéphanie nous dira s'il faut imposer la contraception à des femmes qui, visiblement, ne seront pas des bonnes mamans demain. Chez Cora, 20 euros d'achat égale 1 timbre. 25 timbres égale de 5 à 7 euros de réduction. Timbré, non ? Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends, quoi. En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah. C'est moi, Hip. Je veux des petits prix. Je veux des promotions de folie. Je veux des offres de génie dans tous les rayons. Alors rendez-vous dans votre hypermarché Carrefour. En ce moment, achetez deux jeans pour seulement... Bam 12 euros. On n'a jamais vu ça. Dépêchez-vous, car cette offre se termine déjà demain. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends encore. Sois pas si impatient, t'as dit. Viviane, conseillère à la Maison de l'énergie. Il existe un prêt, il s'agit du prêt vert bruxellois. Vous pouvez emprunter jusqu'à 25 000 euros par an. Il couvre les travaux énergétiques comme l'isolation du mur, du toit, du sol, le remplacement d'une chaudière à gaz ou l'installation d'une ventilation. Contactez la Maison de l'énergie au 02 563 40 00 ou sur maisonenergieheus.be avec le soutien de Bruxelles Environnement. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Le plus impatient... Attends, quoi ? Bon. Le plus pas impatient... Encore. Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Samsung Galaxy J5 pour seulement 9 euros avec un abonnement Smart plus Fold 20. Proximus, infiniment proche. Les maîtres boulangers se lèvent à l'aube pour vous préparer un petit déjeuner d'une qualité unique chaque jour. Ces passionnés sont mis à l'honneur la semaine prochaine sur Vivacité. Écoutez les matinales et vous remporterez peut-être votre petit déjeuner croustillant durant plusieurs semaines. En collaboration avec la PACW et les maîtres boulangers pâtissiers de votre région. Artistes et maîtres boulangers pâtissiers. La passion est au cœur de nos métiers. Philips existe depuis 125 ans et chez Light Gallery, ça se fête. À cette occasion, Light Gallery vous offre une remise de 25% sur tous les luminaires et sur toutes les ampoules Philips. Rendez-vous dans nos magasins Zaventem et Drogenboss ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Votre jardinerie pépinière Le Longfond. Pépinière Le Longfond. C'est 750 mètres carrés couverts pour vos plantes, décorations, meubles de jardin et produits du terroir. C'est vendredi, samedi et dimanche. Profitez de nos actions portes ouvertes. Le Longfond, chaussée de Bruxelles, à 500 mètres du château de la Hulpe. Pépinière Le Longfond. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, une école d'Anderlecht sanctionne une fille de 12 ans parce qu'elle a dit Allah Akbar dans la cour de récré. Pourquoi c'est d'une gravité extrême de dire Dieu est grand à ce propos ? Eh bien, à ce propos, pour Andrea de Hanvois, ce n'est pas grave du tout de dire Allah Akbar dans la cour de récréation. Andrea estime qu'il n'y a pas que les enfants musulmans qui peuvent dire ce genre de choses. Aujourd'hui, tout le monde connaît cette expression. Cette petite fille n'a sans doute fait que répéter ce qu'elle entend tous les jours à la télévision dans les informations. Et selon Andrea, eh bien, si les journalistes ont le droit de dire ces mots dans les journaux, alors les enfants ont le droit de les répéter à la cour de récréation. Pour Andrea, la réaction de l'école est complètement exagérée. C'est vous qui le dites à Herve. Stéphanie, bonjour. Stéphanie, oui, bonjour. Venez à nous, bonjour, et venez au téléphone. À Rotterdam, oui. Aux Pays-Bas, on veut imposer la contraception aux femmes qui seront des mères incompétentes. Donc ces mères déficientes mentalement, ces femmes sans abri, ces femmes dans la prostitution, ces femmes à troubles psychiatriques. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on impose la contraception à une femme ? Je ne suis pas favorable, tout en mesurant mon avis, parce que, bon, il y a dans certains cas où on pourrait vraiment le faire, et je crois qu'on le fait déjà quand c'est des handicaps mentaux, etc. Où sont vos enfants, Stéphanie? Où mes enfants sont placés, moi. Ils ont été mis en... Comment, en situation que le papa a chargé son arme entre les enfants et moi, et tout est passé sous silence, et le SPJ de Liège continue à juger cette personne. Stéphanie, quel est l'âge de vos enfants? Quel est l'âge de vos enfants? 12 et des jumeaux de 9 ans. 12 et des jumeaux de 9 ans. Est-ce qu'on pourrait... Pardon, 15... pardon, excusez-moi, c'était au moment où ça s'est passé. 15 et des jumeaux de 12 ans, pardon. 15 et des jumeaux de 12 ans. Est-ce qu'on pourrait estimer, sur base de ce constat, vos enfants sont placés, que vous êtes une mauvaise maman, et donc est-ce qu'à l'époque, on aurait dû vous imposer la contraception? Non, pas du tout, dans le sens où c'est le papa qui est protégé. J'estime que comment une seule personne, c'est-à-dire un juge, pourrait décider si on en vaut la peine en tant que maman ou en tant que papa. Il y a des experts psychiatres, il y a des tas de choses qui ne sont pas mises en œuvre. Et si le juge se fait aider, si le juge se fait aider par un éducateur, par un assistant social du CPS, par un psychiatre, est-ce qu'il peut arriver à la conclusion que cette femme-là ne peut pas avoir d'enfant? Je vais dire que là, dans mon idée, ça se pourrait, oui. Ah, donc c'est un petit oui que vous me donnez, parce qu'en début de conversation, vous m'avez dit « je ne suis pas favorable ». C'est un petit oui au final, je vais le noter. Petit oui, si la conversation s'impose, ça aura valeur de sondage. Allons à EY maintenant. Jeanne, bonjour. Bonjour. L'annonce du drame ING Belgique, 3150 emplois supprimés. Avant de nous dire si vous êtes triste pour le secteur bancaire et pour ING, quelle est la profession de votre mari? Bah, il travaille chez ING en IT. Et comment il sera ou pas impacté? Qu'est-ce qu'il vous a dit ces derniers jours? Bah là, il est au boulot, il ne sait rien du tout, il ne sait pas du tout son avenir. Il ne connaît pas. Et vous, ce matin, on vient de l'apprendre. Hein. Tout le monde, le conseil d'entreprise se déroulait à 7h et les informations tombent au compte-goutte. On apprend donc que 3150 emplois sont menacés. Est-ce que vous êtes triste, Jeanne? Bah, pas pour ING spécialement, parce qu'avec les bénéfices qu'ils font, c'est incompréhensible. Mais bon, là, pour mon mari, ne sachant pas son avenir, bah, ça est un peu stressant, on va dire. Il a quel âge, votre mari? Bah, il a 43 ans, donc c'est pas un bon âge pour être licencié. Est-ce que ce sont des infos paniquantes ou rassurantes quand on vous dit que 3150 équivalents temps plein seront supprimés, mais il n'y aura que 1700 licenciements maximum? C'est paniquant parce qu'on sait que dans son secteur, bah, il y aura quelques centaines de personnes qui vont quand même partir. Donc voilà, il n'est pas à l'abri. Lui, il peut être impacté par la disparition des 600 agences ou il ne sera pas impacté? Il sera impacté parce qu'il est testeur expressément justement pour les applications des agences. Donc il risque d'être impacté, oui. Mais en même temps, il est au cœur du dispositif digitalisation. Il est au cœur de l'électronique alors? Voilà, c'est ça. Et vous attendez des nouvelles. On verra en cours de journée. Je vois que Chris Peters et Charles Michel annoncent des rencontres dans le courant de la journée. Jeanne et Wai, les nouvelles se préciseront donc. Saint-Gilles, Jamal, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que cette jeune fille d'Anderlecht pouvait dire à la Akbar dans la cour de récré ou c'est d'une gravité extrême? Personnellement, en tant qu'éducateur, ex-éducateur, donc j'ai côtoyé beaucoup d'enfants qui sont ignorants et qui ne savent pas ce qu'ils disent. Et ils entendent ces propos chez eux en tant que musulmans ou culturellement, ils entendent ce genre d'expression, ils les répètent à la cour de récréation et en aucun cas ils ne devraient être sanctionnés par rapport à des genres de propos pareils. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi à l'Akbar? Si vous me dites qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, ça veut dire quoi à l'Akbar? Ça veut dire qu'ils sont jeunes, ça, pour eux c'est un thème qu'ils écoutent chez eux à la maison, que c'est un terme qui est culturel et religieux, et qu'ils le répètent inconsciemment, et en aucun cas ils devraient être punis ou sanctionnés par rapport à ça. Ah, j'entends bien, ben ici elle a perdu, Farah a perdu 5 points d'éducation, et un fameux mot dans le journal de classe pour les parents. On verra, Jamal, si cette conversation s'impose. À tout à l'heure. On m'avait dit, toi tu auras tout, gloire, fortune et amour. CFA. Revenant sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info, efp-bxl.be. Je comprends pourquoi cette Volvo XC60 est le SUV préféré des Belges. Oh, quelle voiture! Un système de navigation intégré, hyper clair. Parking sans stress, avec l'assistance au stationnement arrière. Et ces 8 haut-parleurs, quel son! Et avec plus de 8000 euros d'avantage, j'ai bien fait de pas hésiter. En ce moment, 8310 euros d'avantage sur la Volvo XC60. Pas étonnant qu'elle soit le SUV préféré des Belges. Rendez-vous vite chez votre distributeur Volvo. Shopping. L'art contemporain s'installe au Woluwe Shopping pour la 3e édition de l'Art Fair, une expo trendy et gratuite. Des dizaines d'artistes de toutes disciplines exposent leurs œuvres hyper abordables. L'art contemporain sous toutes ses formes, c'est à l'Art Fair du Woluwe Shopping du 3 au 8 octobre. Shopping. Woluwe Shopping. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Pour un instant gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Vivacité présente... Un kangourou qui jongle pour les beaux yeux des pâquerettes. C'est ça, vivre ensemble. Pas du tout, c'est... Pour les aider à se faire une idée sur la citoyenneté... Place aux enfants. Samedi 15 octobre, en Wallonie et à Bruxelles. Info, placeauxenfants.be. Une organisation des provinces wallonnes et de la Commission communautaire française. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous êtes sur Viva, il est 10h. Le Flash avec Nathalie Servet, bonjour. Bonjour à tous. 3150 emplois supprimés chez ING Belgique. Le couperet est tombé et il fait mal. La direction a dévoilé son plan de restructuration ce matin avant l'ouverture des bourses. Un plan qui passe donc par la suppression de plus de 3000 emplois, dont 1700 licenciements secs. La moitié des agences va également disparaître, soit 600 agences sur 1250. Ce matin, les syndicats sont en colère et dénoncent l'absence de négociation et de concertation. Geoffrey Hanson, délégué séné, ne compte pas se laisser faire. L'ambiance est très tendue et je pense qu'il sous-estime le poids du personnel. Il faut savoir que des agences nous ont téléphoné et ont décidé de spontanément arrêter le travail. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, on va se voir avec nos permanents en fonds communs et c'est clair qu'on va clairement faire un plan d'action. On ne va pas accepter le plan tel quel et je pense que la direction va voir de quel bois les membres du personnel d'ING peuvent se chauffer. Les syndicats qui pourraient donc mener des actions de protestation dès cet après-midi. Ils jugent l'annonce faite par la direction scandaleuse sur le fond et sur la forme également. Ils parlent de cynisme de la part de la direction. Il faut dire que dans sa lettre au personnel, le patron d'ING Belgique explique qu'il a eu l'occasion ce matin, je cite, de partager l'ambition de l'entreprise avec les partenaires sociaux. Un patron qui mise à l'avenir sur des services en ligne performants et un service plus personnalisé aux clients. À noter que l'action d'ING a ouvert légèrement à la hausse à la Bourse de Bruxelles ce matin. Les premières leçons de l'EPC seront données aujourd'hui. Il va falloir s'y habituer. L'EPC, c'est l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Et ce cours remplace une ou deux heures de religion ou de morale dans les écoles primaires de l'enseignement officiel. L'objectif de ce nouveau cours est d'éveiller l'esprit critique des enfants et de leur inculquer des valeurs citoyennes. Soyez prudents au volant. La police mène une nouvelle grande opération de contrôle de vitesse depuis ce matin, un marathon de 24 heures sur les autoroutes, les routes régionales et communales. 109 zones de police locale participent à ce 6e marathon contre la vitesse excessive. Le procès Bernard Westphal entre dans sa dernière ligne droite. Il reste 4 jours à Bernard Westphal et à ses avocats pour convaincre Bernard Westphal qui est accusé du meurtre de son épouse Véronique Piroton. Les proches de la victime seront entendus aujourd'hui. Chaque partie fera ensuite la synthèse de ces arguments. Les jurés entreront ensuite en délibération. En football, les Diables Rouges entament en fin d'après-midi à Tubis leur préparation avant les matchs contre la Bosnie et Gibraltar. C'est vendredi et lundi prochain. Aujourd'hui, c'est un entraînement public. On attend près de 2000 spectateurs à Tubis. Côté météo, il faudra attendre cet après-midi pour le retour des éclaircies. Encore de la pluie sur certaines régions ce matin. Les températures seront comprises entre 13 et 18 degrés. On voit tout de suite comment ça roule ce matin avec Stéphane Piedbeuf. Un accident sur le 19 Bruxelles-Mons, toujours en cours hein, depuis très tôt ce matin, à hauteur d'Avray. Le passage s'effectue toujours via la voie de gauche, des files toujours depuis l'heureux. 7 km de file, 20 minutes de retard en direction de Mons. Et puis sur le 400, vous ralentissez pour rejoindre Bruxelles à partir d'Overijse jusqu'au Carrefour Léonard, ajoutez 20 minutes supplémentaires. Ailleurs, la circulation s'est fluidifiée pour rejoindre la capitale. Sur le Ring, un véhicule est en panne. En circulation intérieure à Drogenbos, le passage est difficile dans la bretelle de sortie en direction de Grand Bigard. Les temps de parcours à présent, en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem, 7 minutes supplémentaires et 10 minutes en circulation intérieure entre Ytre et le Carrefour Léonard. Et pour terminer, un véhicule en feu sur le 40 au stand de Bruxelles à hauteur de Bernem. La bande de droite est neutralisée en direction de Bruxelles. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et tout de suite, la deuxième partie de C'est vous qui dites avec Benjamin Maréchal. Nathalie Servet pour l'info et la rédac revient donc à 11h. C'est la deuxième partie maintenant. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Il y a 10h45, le rendez-vous avec la question qui dérange. D'après la dernière heure, au CHR Namur, qu'on appelle désormais le CHR Sambre-et-Meuse, eh bien au CHR Namur, il faut 6 mois pour avoir rendez-vous chez l'ophtalmo. Alors qu'ailleurs, il ne faut que 10 jours au Choisy à Tournai, 40 jours à Saint-Luc à Bruxelles ou encore 63 jours au CHR Citadelle de Liège. Et pour la gynéco, c'est pareil, c'est au CHR Namur qu'il faut attendre beaucoup plus qu'ailleurs. D'où la question qui dérange. Pourquoi au CHR Namur, on doit attendre si longtemps? C'est la dernière heure qui propose ce matin un dossier sur les délais fous de certains hôpitaux pour obtenir un rendez-vous. Même si dans les hôpitaux, on a de plus en plus recours au service des étudiants pour résorber les consultations, eh bien le temps d'attente reste désespérément long. Dans ce dossier, Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur. Ça semble facile. À ce stade, avez-vous une piste? Bah oui, évidemment, la piste la plus simple, ce serait de contacter le CHR de Namur. Je vais faire ça dans les plus brefs délais, mais aussi, on pourrait tenter de joindre le CHR de la Citadelle de Liège qui est aussi visé par ces délais d'attente très longs. Vous avez un avis sur les délais avant d'avoir un rendez-vous? Vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est le secteur de l'ophtalmo et de la gynéco qui sont les plus touchés? Laissez un éclairage à Marion au standard. Et le problème pour Luigi de Sombref, c'est qu'on demande aux patients de se rendre d'abord chez le médecin généraliste avant le spécialiste, mais il manque de plus en plus de médecins généralistes en campagne, alors certaines personnes sont donc obligées de se tourner directement vers les hôpitaux et les spécialistes pour pouvoir se soigner. Pour Luigi, le problème est là, il faut augmenter le nombre de médecins généralistes et alors le nombre de demandes de rendez-vous chez les spécialiste diminuera. D'après la dernière heure, au CHR Namur, il faut 6 mois pour un rendez-vous chez l'ophtalmo. C'est beaucoup plus long que dans d'autres hôpitaux comme le Choisy à Tournai, Saint-Luc à Bruxelles ou encore la Citadelle. Et pareil pour un rendez-vous en gynéco. Pourquoi? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. Faut-il imposer la contraception aux femmes qui seront des mères incompétentes, comme veut le faire l'échevin de la jeunesse de Rotterdam? Ensuite, l'annonce du drame ING Belgique, 3150 emplois supprimés. Vous êtes triste pour le secteur bancaire et donc pour ING? Et puis une école d'Anderlecht sanctionne une fille de 12 ans parce qu'elle l'a dit « Allah Akbar » dans la cour de récré. Pourquoi c'est d'une gravité extrême de dire « Allah Akbar » Traduction « Dieu est grand ». 3 débats, Marion au 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur le drame bancaire. 3150 emplois supprimés chez ING Belgique. Est-ce que vous êtes triste pour le secteur bancaire et pour ING? C'est la question que l'on vous pose ce matin dans C'est vous qui dites. Ce sont vos appels qui déterminent la conversation et c'est donc l'actualité de ce matin qui s'impose puisque le conseil d'entreprise extraordinaire d'ING avait lieu ce matin à 7h. C'est tôt, on s'attendait à une mauvaise nouvelle. Elle est donc tombée. 3150 équivalents temps plein supprimés. 3150, c'est 40% du personnel. On dit qu'il y aura quand même des licenciements, 1700 maximum. 600 agences en moins, ça concerne ING et Record Bank. 600 agences en moins, c'est la moitié du réseau. On s'attendait à une mauvaise nouvelle. Eh bien, la voilà, le secteur bancaire belge qui encaisse. BNP Paribas Fortis, par exemple, va fermer 40 agences d'ici 2017 et continue la mise en place de son plan Vision 2020.

L'actualité en temps réel. Ce matin à 7h, on a donc appris ce nouveau drame bancaire. ING Belgique et les agences de Record Bank, c'est le même réseau. Le drame, 3150 équivalents temps plein supprimés, c'est 40% du personnel. 600 agences vont disparaître. 600 agences, c'est la moitié du réseau. On dit qu'il y aura des licenciements, maximum 1700. Et encore une fois, une banque belge qui est touchée. Encore une fois, des réductions d'emplois et conséquentes. 070-233-466 par SMS au 63, avec votre regard sur le monde bancaire d'aujourd'hui, votre regard sur ING, votre regard sur ses pertes de personnel, votre regard sur l'évolution de la consommation de l'agence. Plus personne n'y va, on fait ses opérations sur le GSM. Nous sommes à Jean Blou. Jean-Luc, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes un ancien d'ING, vous avez travaillé là combien de temps ? Écoutez, j'y ai fait toute ma carrière, 43 ans. Vous êtes parti quand ? J'ai connu ce qu'on appelait à l'époque donc la Banque Lambert, la banque de Bruxelles qui ont fusionné, et j'ai connu... Allô ? Vous êtes un ancien de la BBL ? Oui, tout à fait, je suis un ancien de la BBL. Ce matin, on a appris les 3150 équivalents temps plein supprimés. Votre réaction, Jean-Luc ? Bah écoutez, moi je suis très triste, d'une part, certainement pas pour la banque. Je suis plutôt triste pour tous mes collègues et amis qui y sont toujours, et pour la Belgique, qui est de nouveau en train de se faire détricoter complètement. Il faut savoir que... Mais c'était pas belge, c'était un groupe hollandais. Ben tout à fait, c'est ce que je dis. Tout ce que ING a fait quand ils ont acheté la banque, ils ont pris tous les services rentables et ils les ont fait tous partir vers la Hollande. Et alors maintenant, évidemment, on vous dira que dans les 3000 et des emplois perdus, les 3150 emplois perdus, que ce ne sera pas la totalité, il y en a certains qui vont être transférés dans des agences de franchisés avec d'autres contrats qui ne correspondraient plus du tout à ceux qui étaient engagés à la banque. Jean-Luc, une parenthèse pour ce qui est le plus compréhensible pour le grand public qui ne connaît pas bien le secteur bancaire, c'est les agences. Il y avait quand même un problème. ING, donc je ne parle même pas de Record Bank, hein. ING Belgique, c'est 709 agences, alors qu'aux Pays-Bas, il n'y en a que 251 des agences. Il y en a pratiquement trois fois plus chez nous. Il y avait un stress quand même. Ben, je ne sais pas, moi. Vous savez, c'est une question de rentabilité. Et de toute façon, même avec autant d'agences, le groupe ING, en tout cas en Belgique, était tout à fait rentable. La seule chose à laquelle on va s'orienter, c'est de nouveau pour les actionnaires. Et c'est une question de rentabilité. À partir du moment où vous êtes coté en bourse, ben, vous êtes au détriment des actionnaires qui, eux, ne demandent qu'une chose, c'est de la rentabilité. Et on y arrive par tous les principes. On nous dit que c'est pas ça. On nous dit que comme les taux sont bas, les banques gagnent moins et que les taux sont pas prêts d'être relevés. Voilà ce qu'on nous dit. On nous dit pas que c'est pour les actionnaires. Une banque ne gagne pas sa vie uniquement sur les taux. Hein. La banque, elle gagne dans beaucoup d'autres domaines. Et je pense en tout cas, moi, que c'est vraiment une catastrophe de nouveau pour la Belgique. Quoi. C'est de nouveau le même principe. On a vendu toutes nos entreprises. Et c'est-à-dire, écoutez, je vais vous dire encore quelque chose. Les gens de Hollande qui prennent une décision, vous savez, ils ne se tracassent pas trop pour la Belgique. Hein. Il y aurait des problèmes en Hollande, ce serait certainement plus compliqué pour eux. Par contre, ici, ils diront, ben, on va fermer l'agence, par exemple. J'ose pas le dire, mais imaginons qu'on ferme l'agence de Jean Blou. Eh bien, pour eux, à la limite, ils ne savent même pas où se trouve Jean Blou. Ah, on n'a pas encore la liste des agences qui vont fermer, qui seront fusionnées. Ça, ce n'est pas encore communiqué. Jean-Luc, bien sûr. Parce qu'ils nous disent autre chose. Ils nous disent, regardez, toutes les banques souffrent du même problème à cause de cette fameuse crise de 2008. On nous a imposé des conditions de fou. On doit avoir beaucoup plus de fonds propres. Vous avez été fort sévère avec nous, vous autres, les gouvernements. Mais attendez, il faut revenir un petit peu les deux pieds sur terre. Les banques ont toujours fait dans le même péché. Et qui a été dans l'aide des banques ? C'est quand même l'argent public. Hein. Les banques ont été renflouées sérieusement par l'argent public. Et puis maintenant, curieusement, à un certain moment, même dans les prêts hypothécaires, ils ne prêtent même plus. Or que l'argent, c'est quand même le secteur public qui les a rendus pour les remettre correctement. Et puis maintenant, subitement, voilà, de nouveau, vous savez, le maître mot, c'est rentabilité. Toutes les excuses et toutes les explications sont bonnes, mais le maître mot, c'est rentabilité. Ah, c'est le seul que je note sur ma feuille, alors. Et c'est votre expertise après 43 ans dans une agence bancaire. Vous connaissez, merci Jean-Luc, le monde de la banque. Vous avez travaillé dans une banque, 070-233-466, où vous êtes client. Eh bien, apprenez ce matin que 600 agences ING Record Bank disparaissent. Allons à Charleroi. Joël, bonjour. Bonjour. Je sais que vous venez de perdre votre poste de secrétaire dans une entreprise. Est-ce que l'annonce du drame ING, 3150 emplois supprimés, est-ce que vous êtes triste pour le secteur bancaire ? Non, pas du tout. Non ? Ni pour le secteur bancaire, ni pour les travailleurs. Ils feront comme les autres. Tous les jours, il y a des petites sociétés qui virent des gens. une par une, et on n'en a rien à faire, on ne les aide pas, on les oublie. C'est-à-dire que toute cette masse de travailleurs-là, parce qu'ils sont beaucoup, on va les aider, le gouvernement va les aider, on va leur donner des indemnités. Nous, on est jetés dehors comme des riens, des petits riens, et on a juste ce qu'on a droit à avoir. C'était et quoi après, votre entreprise ? Pas forcément le nom, mais dans quel secteur vous étiez ? C'était dans le bâtiment. C'était une petite boîte qui n'avait pas beaucoup d'employés. Mais il faut bien comprendre que tous ces petits patrons belges, parce que moi je travaille pour des petits patrons belges, pas pour des gros patrons qui viennent de l'étranger, si le gouvernement les aidait un petit peu, peut-être qu'ils pourraient garder leur personnel et même en réengager. Au moins ça, ce sont les acteurs de la vie économique belge. Je voudrais votre avis, Joël, sur ce qui se met en place. Donc on a appris le drame ING à 7h du matin, il est 10h18, et donc en moins de 3h, on sait déjà que Charles Michel revient du Luxembourg, que Chris Peters va avoir un contact avec la direction d'ING, et vous êtes jalouse de ça ? Non, je ne suis pas jalouse, mais ils font comme les autres, je ne suis pas jalouse, je suis, à la fin, je suis devenue aigrie, parce que ces gens-là, ils vont avoir des facilités, ils ont déjà eu des boulots avec des facilités, avec beaucoup d'avantages, donc on travaille dans ces domaines-là, mais non, c'est fini, c'est chacun, tout le monde est dans le même bateau. Hein. Mais vous ne vous réjouissez pas que le gouvernement intervienne dans un drame de 3150 travailleurs ? Et moi, on intervient pour moi, monsieur, je n'ai jamais été contactée par qui que ce soit, depuis alors que j'ai déjà envoyé des mails et des mails, mais moi, personne ne m'aide, personne ne me contacte en me disant qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Non, on m'oublie là, comme ça. Jusqu'au jour où on me contactera pour me rayer du chômage, alors que j'ai des preuves, mais on va me dire, moi je suis désolée. Et donc vous dites ce matin aux travailleurs d'ING, je vous laisse seule. Mais moi je suis seule, monsieur. Qu'ils aillent s'inscrire au forum, mais qu'ils cherchent une place comme les autres, ils verront que les avantages qu'ils ont eu pendant des années dans les banques. Là. De toute façon, le personnel des banques ING n'a jamais été très agréable, je suis désolée, j'ai eu un compte là-bas. Ils apprécieront, mais chacun avec son expérience, et la vôtre, c'est celle d'une secrétaire qui perd son emploi, la différence de réaction est importante. Merci Joël d'avoir souligné cet élément-là dans la conversation de ce matin. Vous êtes demandeur d'emploi récent ou ancien, vous avez un avis sur le secteur bancaire. La question est la suivante, est-ce que vous êtes triste ? Mélanie Joris, justement, je viens vers vous pour l'éclairage, puisque les réactions politiques, effectivement, au grand désespoir de Joël, ont été très rapides ce matin. Oui, très rapides, et dès 8h30, on apprenait que Charles Michel, notre Premier ministre, allait rentrer d'urgence du Luxembourg pour rencontrer les syndicats cet après-midi. Le ministre de l'Emploi, Chris Peters, aura lui un contact aussi avec la direction d'ING, et il a qualifié cette annonce de terrible. Il a d'ailleurs demandé à la Fédération du secteur bancaire, FEBELFIN, de faire part de solidarité et d'étudier la mise sur pied d'un fonds pour aider le personnel licencié à se réorienter professionnellement. Il a déclaré, nous avons aidé par le passé les banques à coups de milliards d'euros, c'est maintenant aux banques de prendre leurs responsabilités pour la reconversion de leur personnel. Du côté d'Écolo, on rappelle qu'ING a distribué 7,2 milliards de dividendes en 10 ans et le parti appelle maintenant le gouvernement à sortir de son déni. Zakia Katabi, coprésidente d'Écolo, a déclaré « Si le gouvernement fédéral ne tape pas du poing sur la table, d'autres grandes sociétés risquent de suivre l'exemple de Caterpillar et d'ING. Il est plus que temps d'adopter des lois qui protègent notre économie et nos emplois. » Du côté du PTB, on réagit aussi. Raoul Edebo a envoyé un tweet de soutien aux travailleurs et à leurs familles. Finalement, John Crombé, le président du Parti Socialiste flamand, rappelle qu'ING est en croissance grâce au personnel. Et c'est ce personnel qui est aujourd'hui remercié, alors que les actionnaires vont recevoir des milliards. Les réactions donc très rapides ce matin. C'est l'actualité en temps réel et c'est pour ça sans doute que vous avez choisi cette conversation très nombreuse ce matin en standard. Kevin, c'est vous qui le dites. André, bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes client d'ING, vous ? Une quinzaine d'années. Alors l'impact sur le client que vous êtes, on apprend que cette entreprise réduit 40% de son personnel, 600 agences en moins. Réaction du client que vous êtes, André ? Alors pour la banque, ça ne m'étonne absolument pas. Pour le personnel, je suis vraiment triste, mais c'est malheureusement inéluctable. Vous regardez ça avec fatalité. Ça allait arriver tôt ou tard. Non, peut-être pas avec fatalité, avec beaucoup de réalisme, beaucoup de pragmatisme. C'est écrit pratiquement lorsque vous digitalisez une banque, lorsque vous passez à l'informatique, automatiquement il y a des postes qui tombent, et je peux faire une référence sur d'autres secteurs qui sont la poste. Regardez, il n'y a pratiquement plus de bureaux de poste. Regardez ce qui se passe à la SNCB, vous devez vous-même prendre votre ticket par un automate. Dans une banque, petit à petit, s'est installée l'informatique, la digitalisation. Et donc ce matin, on peut pas s'étonner. On peut pas s'étonner alors. Mais écoutez, non, il faut pas s'étonner. Et si jamais vous faites des références en matière d'informatique, prenez trois références. La première, je vais prendre un bête exemple. En 1967, Pompidou disait. Si on a 500 000 chômeurs en France, ce sera la révolution. Mitterrand disait, en 87, 20 ans plus tard, en matière de chômage, on a tout essayé, il y avait 3 millions de chômeurs. Aujourd'hui, pratiquement en 2017, on a vraiment tout essayé, il n'y a pas de révolution, ils sont quasi 5 millions de chômeurs. Et le secteur bancaire qui en ce moment est en train de prendre, fameusement, André, je rajoute à votre agenda... L'agenda d'ING, parce que c'est la conversation de ce matin, les mesures entrent en application le 1er janvier 2017 et elles devraient se poursuivre jusqu'en 2021. On est dans un horizon très très court. 2021, c'est la fin de la ligne du temps d'ING. Un œil sur BNP Paribas qui, lui, est dans une vision 2020. On est dans un moment et dans un agenda très court. On marque une pause et dans un instant, au standard, nous verrons si c'est la tristesse qui prédomine dans ce dossier ING. La rumeur dit que non. Ne laissez pas le doute s'installer dans votre salle de bain. Bonjour, moi c'est le doute. Ah, dites, cette baignoire, on la changerait pas? Ou changeons plutôt la douche, à moins qu'on remplace tout. Oh, je doute. Avec Induscabel, le doute n'a plus sa place dans votre salle de bain. C'est charmant, merci. Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, plus de doute. Oui, bon, ça va. Induscabel, avec vous de A à Z. Du 1er au 8 octobre, dans nos 5 showrooms, jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Citroën Dragon Boss, Citroën Evair et Citroën Isère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Citroën. Pour vos pneus et kit hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Citroën. Voir conditions en magasin. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine équipée, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie. Vivacité présente à Certa Brussels Equidène, le plus grand marathon relais du monde. Samedi 15 octobre au Stade Roi Baudouin. Formez une équipe avec vos collègues ou amis et courez ensemble la distance mythique du marathon ou venez encourager les plus de 1600 équipes. Infos et inscriptions sur acertabrusselsequidène.be. Une initiative d'Acerta avec l'ADH et l'A2. Shopping. L'art contemporain s'installe au Walué Shopping pour la 3e édition de l'Art Fair, une expo trendy et gratuite. Des dizaines d'artistes de toutes disciplines exposent leurs œuvres hyper abordables. L'art contemporain sous toutes ses formes, c'est à l'Art Fair du Walué Shopping du 3 au 8 octobre. Shopping. Walué Shopping. Vivacité présente, le week-end Maison et Architecte, un événement d'une brique dans le ventre. Besoin d'inspiration pour construire ou rénover? Visitez gratuitement des maisons conçues par des architectes wallons et bruxellois et découvrez leurs talents ces 8 et 9 octobre. Préparez vos visites sur le site maisonetarchitecte.be. Avec le soutien de l'Ordre des architectes et d'AXA Bank. Et au 070-233-466, Marion, la question est donc la suivante. Est-ce que vous êtes triste ce matin pour le secteur bancaire et pour ING? Et la réponse que vous entendez le plus souvent est « Non, je ne suis pas triste ». C'est bien ça, beaucoup de personnes ne sont pas tristes. D'ailleurs, beaucoup de personnes expliquent qu'elles s'attendaient à ce qu'ING Belgique licencie des centaines, voire des milliers d'emplois. C'est le cas notamment de Karine Devers, elle est ancienne employée d'ING. Et elle, Karine, a été licenciée il y a 2 ans. Elle explique que l'annonce d'aujourd'hui ne l'a pas surprise. Elle s'y attendait parce que comme elle a été son emploi a été supprimé il y a 2 ans, eh bien, pour elle, c'est juste la suite logique d'une manœuvre qu'ING a commencée il y a déjà plusieurs années. Fabien de Herkelin n'est pas surpris non plus. Lui, il explique que c'est la technologie qui a tué l'emploi bancaire. Les employés sont de plus en plus remplacés par des machines, par des robots. Les employés n'ont presque plus rien à faire. Ils se tournent les bousses dans l'agence bancaire. Alors, Fabien comprend que certains emplois soient supprimés et que certaines agences ferment. Même avis du côté de Thierry de Verviers. Lui, il pense que ING s'est mis dedans tout seul en obligeant ses clients à aller sur Internet. La banque a éloigné de plus en plus ses clients en imposant des horaires difficiles à respecter pour les clients. Thierry a un commerce et il donne donne cet exemple. Rien que pour venir à la banque déposer ses pièces, il doit se rendre à un certain créneau horaire. Et pendant cet horaire, son magasin, lui, est ouvert. C'est donc impossible à respecter. Et donc, la banque a cherché à perdre ses emplois, à perdre ses clients. C'est vous qui le dites à Forchy-la-Marche. Pascal, bonjour. Bonjour. À 7h ce matin, tout le personnel ING Record Bank a appris 3150 emplois en moins et la disparition d'agences. Est-ce que vous êtes triste ? Je suis triste pour les employés, pas pour la banque en Allemagne. Pourquoi ? Parce que le secteur bancaire dans son ensemble a l'air de souffrir. Hein. La question pourrait concerner Belfius ou BNP Paribas Fortis aussi. Oui, mais j'estime que l'État les a aidés largement assez. On les a aidés et puis on les a laissés dans un système qui laisse, c'est les employés qui payent, c'est pas eux quoi. Enfin. Oui, mais ici quand on regarde le nombre d'agences, aux Pays-Bas on sait faire avec 250, nous on en a 709. Est-ce que ça ne veut pas dire par A plus B que la Belgique ces dernières années a oublié de se réformer et là tout d'un coup comme on a laissé trop faire, boum, le choc ? Oui, mais pourquoi l'État les a aidés alors qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire, quoi. Est-ce qu'ici, il faut aider ? Est-ce que l'État doit aider ? Il y a 3150 personnes et 1700 qui seront licenciées. Est-ce que l'État doit aider ces personnes ? Ben, elle ne doit pas les aider. Bon, malheureusement pour eux, ils vont perdre leur emploi et c'est comme on fait. Mais seulement, tout le service public est en état. ING, c'est une banque. À l'époque, c'était Bruxelles-Lambert et point, c'est tout, quoi. C'était la banque Bruxelles-Lambert. On les a déjà aidés à l'époque. Hein. Je vous donne une lettre, celle qui a envoyé le CIO, donc le grand patron d'ING Belgique, à ses employés. Il explique toute la procédure. Hein. C'est le début de la procédure Renault ce matin. Et il dit qu'en unissant les forces de Record Bank et d'ING, on pourrait devenir la banque numéro 1 au Benelux. Est-ce que ça, c'est un bel objectif, sachant qu'il y a autant de gens sur le carreau ? Non, pour moi, non, parce que à une époque, la banque Bruxelles-Lambert avait le moyen de rembourser la dette belge à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est qu'à un moment, ils sont passés à 307 millions d'euros. Oh, mais ça, il y a longtemps, la BBL. Hein. Il y a des jeunes qui sont nés et qui n'ont jamais connu la BBL. Hein. Le monde a changé. Ah oui, mais le monde a changé, oui, justement. Mais le problème, c'est qu'on met tout sur l'informatique. C'est de plus en plus informatisé. Ah, c'est ce que dit le patron. Dans les défis écrasants, le patron dit « Digitalisation fulgurante, multiplication du nombre de concurrents, taux d'intérêt obstinément bas, étranglement des marges, lourdes taxes et régulations omniprésentes. » Oui, je comprends, mais le problème, c'est que eux font du bénéfice et nous, on n'en fait pas. Ah, visiblement, il y a un problème de marge. C'est ce qu'il vient de dire dans le document. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Pascal. Je l'entends. Âme sur heure, Nicole, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin. Vous avez travaillé combien de temps pour ING ? ING, en fait, j'ai terminé ma carrière en 2009 et entré à la BBL en 70. Donc un long parcours dans la banque. Est-ce que vous croyez à la fin de la justification du patron ? Il dit « étranglement des marges, lourdes taxes, régulation omniprésente ». Oui, il y a en fait un gros problème. En fait, je suis d'abord très, même plus que triste, mais révoltée en ce qui concerne le sort réservé aux travailleurs de ING. Je voulais dire en fait que c'est vrai que les banques, l'État a aidé les banques. Les politiques sont lourdement responsables dans la mesure où quand ils aident, ils devraient demander des comptes et suivre l'évolution. Oui, mais étranglement des marges, taux d'intérêt obstinément bas, dit-il dans la lettre que j'ai sous les yeux. Oui, c'est scandaleux. C'est franchement scandaleux par rapport aux bénéfices que les banques font sur le dos des travailleurs. Donc il n'a pas raison. Il ment quand il dit que les marges sont faibles. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et pourquoi il le dit ? Il le dit noir sur blanc. C'est le premier paragraphe de son texte. Oui, le papier se laisse écrire. Hein. Donc il a menti. J'ai travaillé chez ING, je vous dis, pendant de nombreuses années. J'ai pu voir l'évolution. J'ai pu aussi mesurer le climat qui régnait sur les plateaux, les gens qui étaient pressés comme des citrons. Vous êtes surprise ce matin ? Les membres du personnel que je côtoie encore maintenant, les jeunes en agence, sont essoufflés, sont stressés constamment. Vous êtes surprise ? Les marches sont faibles. Hein. Vous sentiez que ça allait se passer comme ça ? C'était prévu. Moi, j'ai quitté en 2009. Déjà, j'ai vu en 2007 et en 2008 des grèves du personnel informatique qui se disaient être prochainement transférés en Pologne. On a vu des membres du personnel qui n'avaient plus droit à des formations. Ah, vous noterez qu'on aura le détail des autres pays dans le courant de la journée, puisqu'il n'y a pas que la Belgique qui est concernée par l'annonce. D'autres pays sont aussi touchés par les mesures de réduction d'effectifs d'ING. C'était un plan européen qui a été présenté tout à l'heure. Il est 10h32, l'heure de la proportion, Nicole. Marion, dans les appelants de ce matin, combien estime que la loi devrait imposer au secteur bancaire de garder une agence bancaire ouverte dans chaque commune ? 75% souhaitent que le gouvernement impose par la loi au secteur bancaire de garder une agence bancaire ouverte dans chaque commune. Cela permettrait de garder des emplois dans le secteur bancaire et donc d'éviter qu'ING ferme des agences et supprime des emplois. Mais ça permettrait surtout aux personnes défavorisées de continuer à pouvoir avoir accès à des banques pour les opérations les plus courantes comme les virements, les retraits et les dépôts. RTBF Mobile Info. Stéphane. C'est toujours compliqué sur le 19, Benjamin, entre Bruxelles et Mons, à hauteur d'Avray. Un accident s'est produit tôt ce matin et le passage s'effectue uniquement via la voie de gauche. Défile toujours depuis l'Heureux, 3 km de ralentissement et 10 minutes supplémentaires en direction de la cité du Doudou. Pour rejoindre Bruxelles, on ajoute encore 10 minutes sur le 400 entre Overijse et le Carrefour Léonard en venant de Namur. Sur le 40 qui vient de Gand, c'est entre Affligem et Ternat que vous êtes ralenti en direction de Grand Bigard. Là aussi, il faut ajouter une dizaine de minutes. Sur le Ring, bonne nouvelle, moins de 10 minutes supplémentaires tant en circulation intérieur entre Grand Bigard et Zaventem, qu'en circulation extérieure entre Ytre et le Carrefour Léonard. Et puis on apprend qu'à Bruxelles, la gare du Nord est actuellement fermée. Les services de la STIB sont interrompus. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. D'après la dernière heure, au CHR Namur, qu'on appelle désormais le CHR Sambre-et-Meuse, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo. Alors que quand on regarde dans d'autres structures hospitalières, le délai est beaucoup plus court. Pourquoi au CHR Namur, il faut autant de temps pour voir un ophtalmo ? J'attends un nom après la pause. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Allô ? Oui, Thomas, c'est maman. Tout va bien à la maison ? Oui, écoute, j'étudie, mais à fond, là. C'est curieux. Je viens de voir qu'il y a un de tes potes qui a tagué qu'il étudie à fond dans notre jacuzzi. Oh non. Tu comprendras que je n'ai pas liké. Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. À vous de voir ce que vous en faites. Vous rapprochez de l'essentiel. Profitez maintenant de l'Internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Chute de cheveux ? Pas de panique. Commencez vite votre cure d'automne avec le sérum traitant pur essentiel anti-chute. Un complexe breveté aux 7 racines qui renforce l'ancrage de vos cheveux. Résultat ? Action anti-chute 90%. 8400 nouveaux cheveux et une chevelure plus couvrante. En pharmacie, pur essentiel anti-chute, l'efficacité à l'état pur. Vivacité présente la semaine numérique. Hashtag cool, apprenez à décoder les hashtag nouvelles technologies et bien plus lors de hashtag la semaine numérique du 10 au 21 octobre. Hashtag c'est bientôt, youpi! Participez à des centaines d'activités en Wallonie et à Bruxelles. Hashtag c'est pour tout le monde, hashtag pas que pour les geeks. Hashtag lol, plus d'infos, lasemainenumérique.be. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Outigny, portes ouvertes ces samedis et dimanches de 14 à 17h dans notre appartement témoin, rue de la Chapelle à Outigny. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Pour leurs 51 ans, Stellemans vous offre la TVA sur des centaines de nouveautés et bien plus encore. Action du 3 au 15 octobre inclus, ouvert même le dimanche 9 octobre. Voir conditions en magasin. Stellemans. OLED, LED, électro, IFI, PC, GSM, tablette, boulevard Émile Boxtal 412. Stellemans. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. D'après la dernière heure, au CHR Namur, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo. Regardons ailleurs dans le même service. Eh bien, d'après le journal, on peut trouver un rendez-vous en 10 jours au Choisy à Tournai, c'est particulièrement court, en 40 jours à Saint-Luc à Bruxelles, en 63 jours au CHR Citadelle de Liège. 63 jours, c'est long à Liège, mais c'est quand même toujours plus court que les 6 mois du CHR Namur. Pourquoi là-bas, c'est beaucoup plus long qu'ailleurs. Et le constat est le même pour un rendez-vous en gynéco. C'est au CHR Namur que le délai est le plus long. On sait que les hôpitaux essayent de résorber les longues files d'attente en mettant des étudiants dans les consultations, mais ça ne suffit pas. Le temps est long malgré tout. Mélanie, donc dans ce dossier, nous sommes en chasse du CHR Namur. C'est bien logique. Avez-vous un nom à nous donner? À qui parlera-t-on tout à l'heure? Alors j'ai un nom, c'est celui de Jean-Claude Van der Waal. C'est le directeur médical du CHOAPI, le centre hospitalier de Wallonie-Picarde. Alors au sein de cet hôpital, les délais d'attente très longs ont pu être résorbés grâce au travail des assistants. Ce sont donc ces étudiants qui viennent de terminer leur 7 années d'études de médecine. Alors c'est pas faute évidemment d'avoir contacté le CHR de Namur, cité pour ses mauvais résultats. François Nélis, le responsable communication, m'a précisé qu'il allait faire son maximum, mais qu'il serait difficile d'organiser cette interview ce matin parce qu'il y a un comité de direction au sein de l'hôpital. Depuis, je n'ai plus de nouvelles. Je présume donc que ça n'a pas été possible de mettre cette interview sur pied. Alors j'ai aussi contacté le CHR de la Citadelle à Liège. J'ai pu parler avec la porte-parole Nathalie Évrard. Elle m'a affirmé que chez eux, le délai d'attente est plutôt raisonnable actuellement. Par exemple, si vous appelez aujourd'hui pour un rendez-vous chez un ophtalmologue, eh bien vous aurez une place mercredi. Les chiffres sont différents de ceux de la dernière heure puisqu'un patient s'est désisté. Un rendez-vous a donc été libéré. Elle m'a également expliqué que les délais étaient nettement plus courts, ici aussi grâce à l'aide des assistants. Bon, ben alors la conversation portait sur Namur. Dommage qu'ils ne répondent pas évidemment ce matin. 6 mois, c'est un délai important. Alors nous essayerons de voir pourquoi à Tournai, on fait si bien que ça et pas ailleurs. Vous avez un éclairage dans ces longues files d'attente et ce temps avant d'avoir un rendez-vous, laissez un éclairage à Marion au standard. Et le problème pour Liliane de Trot, c'est l'organisation des hôpitaux. Si à certaines époques de l'année, comme à la rentrée, les hôpitaux sont habitués à avoir plus de demandes de rendez-vous, eh bien pourquoi n'anticipent-ils pas ce mouvement et n'engagent-ils pas plus de personnel, mais de type saisonnier? C'est la question de Liliane de Trot. Eh bien, comprenez bien la question qui dérange tout à l'heure. Pourquoi le délai est aussi long au CHR de Namur, puisqu'ils ne répondent pas? Nous demanderons à Tournai au CHOAPI pourquoi ils travaillent si bien en matière de rendez-vous. Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. Vous avez en attendant choisi une conversation sur l'annonce du drame ING ce matin. ING Belgique, 3150 emplois supprimés. Est-ce que vous êtes triste pour le secteur bancaire et donc pour ING? 070-233-466 par SMS au 3063. Nous allons à Chimay. Monique, bonjour. Oui, bonjour. Tout ça, c'est la faute du client qui ne va plus à l'agence? Mais je pense et j'en suis consciente et j'en fais partie. Moi, j'ai mis ça en parallèle avec les magasins qui de plus en plus ouvrent des caisses automatiques et qui vont réduire le personnel dans les magasins aussi. Je pense que si on était plus présent dans les agences, si on n'avait pas accepté le système informatique, et je suis d'accord surtout à la campagne que c'est beaucoup plus facile, mais c'est un petit peu notre faute aussi. À partir du moment où on accepte les caisses automatiques, qu'on accepte de faire du PC banking, à ce moment-là, on réduit le personnel. Mais donc c'est ça ce matin. Tous les clients ING doivent se sentir coupables. 3150 emplois, c'est à cause d'eux. Oh, vous y allez vite. Hein. Ah non, je vous pose la question. Non, je ne crois pas que tout le monde doit se sentir coupable. Je pense qu'on est dans un système où il faut qu'on réfléchisse nos actions et que c'est trop facile de nous imposer, parce que quelque part ils nous l'ont imposé, les PC banking. Et maintenant, ben, on se rend compte que les employés sont virés comme des malpropres, quoi. Mais c'est un peu de notre faute, je pense que tout le monde doit y penser. Je pense qu'il faut faire l'effort et qu'on ne doit pas... La dernière fois que vous avez été dans une agence, Monique, c'était quand? Dans une agence de banque? Oh, alors je dois vous dire franchement que chez moi, c'est mon mari qui gère tout, moi je m'occupe de rien du tout. Mais c'est lui, il le fait par informatique et c'est vrai que c'est une erreur. Et c'est pour ça que dans les grands magasins maintenant, j'invite tout le monde, n'allez plus aux caisses automatiques, vous faites perdre des emplois. Ah ben donc c'est une réflexion à laquelle vous appelez. Mais est-ce qu'on avait le choix? Mais elle dit que non, on était quasi forcé d'utiliser tout ce qui est électronique. Ça va du GSM au PC. Vous êtes à Chimay ce matin, Monique. 10h41, on appelle les experts. Spécialiste bancaire qui connaît bien ING notamment et économiste au sein de la banque de Groove Peter Kam. Bruno Coleman est en ligne, bonjour. Bonjour. D'abord un mot sur ING, ce qu'on perd vraiment. Est-ce qu'il y avait encore en Belgique un centre de décision et une direction forte, ou dans le fond ING Belgique n'était qu'une petite succursale des Hollandais? Non, pas du tout. ING Belgique est une entité très importante dans le groupe ING globalement. Mais c'est clair, et vous avez mis le doigt sur le problème, que la perte des centres de décision qui a lieu depuis à peu près 30 ans en Belgique a inéluctablement des conséquences. Et moi, si je tire la synthèse de tout ce qui se passe et que je fais le lien entre Caterpillar, AXA et ING, je pense que nos centres de décision sont perdus et qu'en partie, le dialogue qu'un gouvernement aurait pu entretenir avec des patrons sous l'angle stratégique n'a pas eu lieu parce que justement, ce sont des entreprises étrangères qui décident maintenant ce qui se passe en Belgique. Ah ben donc c'est politique. Donc les rencontres de Chris Peters tout à l'heure avec la direction et l'intervention de Charles Michel, c'est trop tard, c'est ça que ça veut dire? Bah écoutez, c'est trop tard parce que c'est annoncé. Et puis deuxièmement, quand je vois les réactions après Caterpillar, où on pensait à nationaliser l'outil de production, c'est très bien. Mais aujourd'hui, pour rebondir sur ce que l'auditrice précédente esquissait, on va pas quand même nationaliser les ondes Wi-Fi et les smartphones pour remettre des guichetiers. Donc c'est une évolution qui est importante. Toutes les banques ne suivent pas le même chemin. Toutes les autres banques belges ne le font pas. Mais c'est vrai que le fait d'avoir perdu des centres de décision casse un peu le dialogue social, ou en tout cas le dialogue patronal. Alors, une des théories pour annoncer, pour comprendre le choc de ce matin, c'est qu'on aurait un petit peu traîné en Belgique. Et on voit en matière d'agences, par exemple, qu'aux Pays-Bas, on fonctionne avec 251 agences. Là où sur le territoire belge, on est à 709. Est-ce que ça veut dire que la Belgique, ou ING Belgique, a tardé à accepter et à se moderniser? Je crois que toutes les banques belges sont dans la même situation. En fait, on est un pays d'épargnants, c'est-à-dire que la collecte d'épargne se fait de manière assez aisée. Naturellement, le Belge est plutôt un rentier qu'un dépensier. Et donc, ça a permis la création d'un grand nombre d'agences qui sont bien sûr totalement excessives par rapport à la population belge. Mais ce n'est pas que le cas pour les agences bancaires. Il y a un secteur qu'on est en train complètement d'oublier, mais qui va subir le contre-choc de tout ce qui se passe. C'est le réseau des courtiers d'assurance. Il y en a plusieurs milliers en Belgique. Mais le rôle à terme va aussi être modifié. Alors, c'est vrai que en Hollande, dans les pays nordiques, on a diminué le nombre d'agences au détriment d'un service de proximité, mais malheureusement, je crois que c'est inéluctable qu'on passe vers les smartphones et la banque électronique. Au demeurant, maintenant, la loyauté qu'on a par rapport à une banque est basée sur la fonctionnalité du smartphone et la rapidité avec laquelle les comptes sont mis à jour. Deux éléments pour justifier les pertes d'emplois chez ING qui sont donnés par Rick Vandenberg, le CEO d'ING Belgique, c'est l'étranglement des marges et le taux d'intérêt obstinément bas. Alors commençons par l'étranglement des marges. Est-ce que c'est vrai ça, qu'un ING gagne vraiment de moins en moins et que ça devient très très très difficile, ou c'est faux? Oui. Non, c'est tout à fait correct. C'est d'ailleurs lié au problème de taux d'intérêt. Alors, les taux d'intérêt, comme vous le savez, sont négatifs à court terme, sont extrêmement faibles à très long terme, puisque le taux d'intérêt de la dette belge à 10 ans est de 15 centimes, c'est-à-dire 1/7 d'1%, soit quasiment rien. Et comme les banques gagnent de l'argent sur la différence entre l'intérêt qu'elles facturent à leurs clients et l'intérêt qu'elles doivent payer à leurs déposants, il est clair que cette situation est destructrice de marge bénéficiaire. Toutes les banques européennes sont confrontées à cette problématique. Et d'ailleurs, au rythme de la baisse des taux d'intérêt, on voit que le cours de bourse des actions bancaires chute parce que naturellement, la rentabilité est en train de s'évaporer. Donc on est en train de payer maintenant, quelque part, le refinancement des États et le fait que l'économie ne reprend pas, qui conduit la Banque centrale à imposer des taux d'intérêt très bas, voire négatifs. Donc dans ce cas, si rapidement, la théorie selon laquelle les actionnaires veulent toujours plus, et c'est pour ça qu'on va virer des travailleurs belges, elle ne tient qu'à moitié, cette théorie-là. Oui, elle ne tient qu'à moitié parce que c'est inéluctable. Et vous savez, vous posez la question de savoir quelle est la dernière fois quand on est dans une agence bancaire, eh bien, la plupart des gens vont une fois par an, une fois tous les deux ans dans une agence, parfois pour faire un retrait en cash, surtout pour demander que le petit appareil électronique soit réparé ou avoir une nouvelle carte. Mais aujourd'hui, le service bancaire n'est plus qu'un service d'exception. C'est-à-dire que les services bancaires généraux se font au travers du smartphone et ce n'est vraiment que dans des cas exceptionnels, demande de crédit, appareil, carte, qu'on va dans l'agence. Et donc le rôle de l'agence devient résiduel dans l'entretien des relations. Vous êtes Bruno Colmont, économiste au sein de la banque De Groof Petercam et spécialiste bancaire, bien sûr. Merci pour l'éclairage de ce matin. Nous allons au 070-233-466. Même s'il y a encore là, Marion, quelques surprises sur les bénéfices d'ING. Oui, beaucoup d'interrogations standards par rapport au nombre d'emplois supprimés et au nombre de bénéfices dans les caisses d'ING. Anne-Marie Dejean, par exemple, elle ne comprend pas que ce soit autorisé de licencier autant de personnel quand on voit les bénéfices que fait ING, 10,9 milliards en 10 ans. C'est de trop, on ne peut pas supprimer autant d'emplois. Laurent de Binche, lui, il rappelle qu'ING a eu droit à 2,3 milliards de ristournes fiscales en 10 ans. Alors comment ING peut-elle avoir le droit de supprimer 3150 emplois? Ça ne devrait pas être légal dans la loi. Quand on fait des bénéfices, on ne supprime pas des emplois. Et dans un instant, la question qui dérange, pourquoi on ne doit pas attendre beaucoup au Choix-Pied à Tournai pour avoir un rendez-vous médical, là où au CHR Namur, on doit attendre parfois 60 jours. C'est après la pause. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, info et tickets sur europeanopen.be. Carglass remplace. Une vitre latérale brisée, on a envie de la faire remplacer tout de suite. Chez nous, chez Carglass, c'est possible grâce à notre grand stock de vitres. Nous vous aidons le jour même. Appelez-nous gratuitement ou prenez rendez-vous sur carglass.be ou via notre application smartphone. Je comprends pourquoi cette Volvo XC60 est le SUV préféré des Belges. Oh, quelle voiture! Un système de navigation intégré hyper clair. Parking sans stress avec l'assistance au stationnement arrière. Et ces 8 haut-parleurs, quel son! Et avec plus de 8 000 € d'avantage, j'ai bien fait de pas hésiter. En ce moment, 8 310 € d'avantage sur la Volvo XC60. Pas étonnant qu'elle soit le SUV préféré des Belges. Rendez-vous vite chez votre distributeur Volvo. Shopping. L'art contemporain s'installe au Woluwe Shopping pour la 3e édition de l'Art Fair, une expo trendy et gratuite. Des dizaines d'artistes de toutes disciplines exposent leurs œuvres hyper abordables. L'art contemporain sous toutes ses formes, c'est à l'Art Fair du Woluwe Shopping du 3 au 8 octobre. Shopping. Woluwe Shopping. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Pourquoi les temps d'attente sont aussi longs pour avoir un rendez-vous? 60 jours pour avoir un rendez-vous en dermato au CHR Namur, 6 mois pour avoir un rendez-vous en ophtalmo au CHR Namur, alors qu'au Choisy à Tournai, ça va si vite. Eh bien, c'est Tournai qu'on appelle dans un instant. Dernier éclairage au standard d'abord, Marion. Et le problème pour Jean-Marc Daubel, ce sont les consultations faites par des étudiants parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Jean-Marc se demande si cette pratique est dangereuse ou pas. Est-ce que les hôpitaux ne feraient-ils pas mieux d'engager plus de personnel plutôt que de laisser des étudiants faire les consultations? C'est la question de Jean-Marc Daubel. Nous allons au centre hospitalier de Wallonie-Picard, le Choisy. Jean-Claude Van de Waal, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur médical de l'établissement et dans le classement dernière heure de ce matin, c'est vous qui avez les meilleurs chiffres pour avoir un rendez-vous en ophtalmo. 10 jours seulement, c'est lié au nombre de médecins que vous avez là-bas ou c'est lié au bassin de population qui est moins grand que dans la région de Namuroise? Peut-être que notre densité est moins grande que la région namuroise, mais nous avons une équipe d'ophtalmologues assez jeune, dynamique, avec plusieurs engagements qui ont eu lieu récemment et qui ont permis justement d'offrir des plages de consultation suffisantes pour prendre en charge les patients dans des délais raisonnables. Mais ça veut dire quoi, puisque c'est le premier élément que vous me donnez, que le meilleur moyen de raccourcir les durées de rendez-vous, c'est d'avoir des jeunes dynamiques? C'est d'avoir suffisamment de médecins. Et les équipes dans des hôpitaux comme les nôtres, qui ne sont pas des hôpitaux universitaires, ne sont attractives qu'à partir du moment où les équipes sont positives, solidaires, se développent et ont des activités pointues malgré qu'elles ne soient pas universitaires. Il faut savoir aussi que dans les universités, les délais sont plus longs parce qu'ils traitent des pathologies plus rares parfois, des maladies qui ne sont pas toujours prises en charge dans d'autres hôpitaux comme les nôtres. Questionnement. On pensait que les étudiants en médecine venaient pour se former, observer, et on découvre que certains hôpitaux utilisent les étudiants en médecine pour faire des consultations seuls face aux patients, et c'est comme ça qu'on résorbe les retards. Est-ce ça le rôle des étudiants en médecine ? Donc il y a peut-être une confusion entre les étudiants en médecine qui sont des étudiants qui n'ont pas encore les diplômes de médecin. Ceux-ci, à ma connaissance, ne font jamais de consultation. Par contre, les médecins qui ont déjà un diplôme de médecin et qui sont en cours de spécialisation, qui ont déjà fait 2-3 ans de formation d'ophtalmo, par exemple, font des consultations sous la supervision d'un médecin spécialiste ou d'un maître de stage qui est très souvent dans le cabinet à côté. Mais donc ça veut dire là, que il y a peut-être une confusion. Ces médecins-là, ces jeunes médecins-là, peuvent se retrouver seul à seul avec le patient et exercer. Tout à fait, mais c'est une pratique qui est valable dans toutes les disciplines. Les médecins qui font 5 ans, 6 ans de formation pratique, ben, ils travaillent, ces médecins. Ils voient les patients dans les unités, ils font des consultations, ils font des interventions, mais toujours accompagnés par un spécialiste. Jamais tout seul. Le spécialiste, il peut être dans le cabinet à côté et le jeune médecin va en référer à son supérieur s'il a une difficulté, parce qu'il peut gérer, après 3-4 ans de pratique, tout seul, la plupart des pathologies courantes. Un mot sur la digitalisation, parce que c'est le mot à la mode aujourd'hui, notamment dans le dossier ING. L'avenir, dit-on, serait la prise de rendez-vous en ligne. Quelle est votre position là-dessus? Aller sur Internet et prendre directement rendez-vous en ligne pour arriver chez un spécialiste. Votre position là-dessus? C'est tout à fait possible pour beaucoup de rendez-vous simples, mais on se rend bien compte, chez nous en particulier, que beaucoup de rendez-vous sont complexes dans la mesure où le patient a des contraintes, le médecin a des contraintes, il y a des questions à poser au patient, il y a des informations à lui donner quand si on veut un rendez-vous pour une radio d'intestin, si on veut une gastroscopie, toute une série d'examens pour lesquels il faut un contact humain pour donner toutes les informations. Un mot sur le CHR Namur, 6 mois pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo. Sur le plan médical, c'est raisonnable ou c'est déraisonnable? Rapidement, 20 secondes devant nous. C'est déraisonnable, mais je pense que c'est dû à leurs contraintes, soit du nombre de médecins, soit à leur succès dans leur service d'ophtalmologie. Alors, on a les raisons de votre réussite en matière de délai, on n'aura pas les raisons de leur échec puisqu'ils n'ont pas répondu ce matin. Vous êtes directeur médical du CHOAPI, le centre hospitalier de Wallonie-Picard, Jean-Claude Van de Waal. Et merci donc pour la conversation de ce matin. Avec votre différence, vous n'êtes pas une structure universitaire. Ça aurait toute son importance. On va vers les enseignements. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Forêt, portes ouvertes dans notre appartement témoin, ce dimanche de 10 à 14 heures, avenue du Globe 7 à Forêt. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Votre jardinerie pépinière Le Longfond. Pépinière Le Longfond. C'est 750 mètres carrés couverts pour vos plantes, décorations, meubles de jardin et produits du terroir. C'est vendredi, samedi et dimanche. Profitez de nos actions portes ouvertes. Le Longfond, chaussée de Bruxelles, à 500 mètres du château de la Hulpe. Pépinière Le Longfond. Jusqu'au 31 octobre, achetez une voiture d'occasion BMW Premium Selection et profitez d'une garantie prolongée jusqu'en 2020. Plus d'infos sur bmw.be. Les prix cadeaux, le service et la qualité Krefel, c'est... Krefel. Profitez-en maintenant. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. I know you're gonna be the... Pour tout savoir sur les tendances de la mode pour cet hiver, rendez-vous chez Poincaré. Jusqu'au dimanche 9 octobre, c'est la semaine de la mode chez Poincaré. Profitez de moins 15% sur toute la collection. Info et horaires, poincaré.eu. Dis Monique, oui. Tu crois pas qu'on a juste un problème de sonnette? Mais non, mon lapin, non, je ne pense pas. Enfin, ça fait 2 semaines qu'on attend, Monique, 2 semaines. Oui. Y'a quelqu'un? Ouh, personne n'a envie d'acheter notre maison? Un peu de sérieux. Oui. Pour vendre ou louer efficacement votre bien par vous-même ou via un professionnel, ImmoWeb est la solution. ImmoWeb, le site immobilier préféré des Belges. Vivacité présente. La citoyenneté, c'est faire pousser des courgettes sur la lune. Non, pas du tout. C'est faire pousser des carottes. Pour les aider à se faire une idée sur la citoyenneté. Place aux enfants. Samedi 15 octobre, en Wallonie et à Bruxelles. Info, placeauxenfants.be. Une organisation des provinces wallonnes et de la Commission communautaire française. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vivacité vous invite à l'avant-première du film d'animation Cigogne et compagnie. Les cigognes ne livrent plus de bébés. Des personnages déjantés dans une aventure décoiffante. Ça c'est une caille, ça un émeu, il y a un poulet, rien de tout ça ne vole. Pour y assister, le 9 octobre à 11h à Bruxelles ou à Liège, composez le 0905 56 471 50 cents par appel. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Nous voici au moment des enseignements et d'abord le débrief question qui dérange, le délai avant d'avoir enfin un rendez-vous médical à l'hôpital, sur la page Facebook Zoé Boss. Sur la page Facebook où vous êtes 41 923 à faire le débat ce matin, dont Marie, elle vient justement de téléphoner au CHU de Namur pour prendre un rendez-vous chez le dentiste et il n'y a pas de place avant février 2017. Il y a eu aussi Christian, il nous le dit, en Belgique, il ne vaut mieux pas être malade. Vous avez choisi tout à l'heure une conversation sur le nouveau drame bancaire, l'annonce ce matin chez ING Belgique de la suppression de 3150 emplois. Est-ce que vous êtes triste pour le secteur bancaire et donc pour ING? Eh bien, dans les enseignements de ce matin, on retiendra que oui, vous étiez triste, mais pour les travailleurs pris individuellement, pas du tout pour le secteur bancaire, suspecté de faire des marges très fortes. C'est faux, a dit Bruno Coleman, l'expert. Les marges en ce moment sont réduites, a-t-il dit. Vous aurez noté la colère de Joël. Elle ne veut pas d'intervention massive de l'État dans le dossier ING. Joël vient d'être licencié et il n'a pas été aidé car son licenciement était discret à côté de ses licenciements massifs dans des secteurs très visibles. Et puis le rôle du client qui a fréquenté la banque digitale et qui sera donc en partie responsable de ce nouveau drame bancaire. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Marion. Et c'était Marie de Namur. Elle est triste pour le personnel d'ING et pour les personnes qui ont besoin d'agences bancaires comme elle. Marie a besoin des employés de banque quand elle doit faire un virement ou un retrait d'argent. Et Marie voudrait aussi savoir s'il y aura autant d'emplois supprimés à ING Hollande, donc la maison mère qu'en Belgique. 3150 emplois rien qu'en Belgique, ce n'est tout de même pas rien. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur ING Belgique qui perd 40% de son personnel et 600 agences. Parmi les moments de ce matin? Ce matin, il y a eu Jean-Luc de Jeanblou à 10h15. Jean-Luc a travaillé pendant 43 ans pour ING. Ce matin, il est triste pour ses anciens collègues et ses amis. Je suis un ancien de la BVL. Je suis plutôt triste pour tous mes collègues et amis qui y sont toujours et pour la Belgique qui est de nouveau en train de se faire détricoter complètement. Tout ce que ING a fait quand ils ont acheté la banque, ils ont pris tous les services rentables et ils les ont fait tous partir vers la Hollande. À partir du moment où vous êtes coté en bourse, ben vous êtes au détriment des actionnaires qui, eux, ne demandent qu'une chose, c'est de la rentabilité. Tous les jours, il y a des petites sociétés qui virent des gens, une par une, et on n'en a rien à faire. On ne les aide pas, on les oublie. C'est-à-dire que toute cette masse de travailleurs-là, parce qu'ils sont beaucoup, on va leur donner des indemnités. Nous, on est jetés dehors comme des petits riens et on a juste ce qu'on a droit à avoir. C'est écrit pratiquement lorsque vous digitalisez une banque, lorsque vous passez à l'informatique, automatiquement, il y a des postes qui tombent. Et je peux faire une référence sur d'autres secteurs qui sont la poste. Regardez, il n'y a pratiquement plus de bureaux de poste. Regardez ce qui se passe à la SNCB. Vous devez vous-même prendre votre quotidien par un automate. Je suis triste pour les employés, pas pour la banque. J'estime que l'État les a aidés largement assez. À l'époque, c'était la banque Bruxelles Lambert. On les a déjà aidés à l'époque. Hein. Le problème, c'est que eux font du bénéfice et nous, on n'en fait pas. C'est franchement scandaleux par rapport aux bénéfices que les banques font sur le dos des travailleurs. Déjà, j'ai vu en 2007 et en 2008 des grèves du personnel informatique qui se disaient être prochainement transférés en Pologne. On a vu des membres du personnel qui n'avaient plus droit à des formations. C'était prévu. J'ai mis ça en parallèle avec les magasins. À partir du moment où on accepte les caisses automatiques, qu'on accepte de faire du PC banking, à ce moment-là, on réduit le personnel. C'est un peu de notre faute. Je pense que tout le monde doit y penser. Voyons ce que le reste de la journée nous réservera, notamment dans ce dossier ING que vous pouvez toujours continuer à commenter sur la page Facebook, c'est vous qui le dites, à votre disposition. Voilà pour nos 2 heures de dialogue, à demain.